Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous pour le retour de Radar du Sport en ce lundi 25 mars. Très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes en direct, bien sûr, sur Arc-en-Ciel pour la Radar du Sport. On est ensemble pendant 2 heures. Le sommaire, bien sûr, tout de suite avec. Pour commencer, eh bien le débrief sport mécanique, Formule 1 notamment, le doublé Ferrari ce week-end, on y reviendra dans un instant. C'était hier à l'occasion du Grand Prix d'Australie, on y reviendra avec l'abandon de Max Verstappen. Voilà le programme pour démarrer. On aura aussi ensuite le handball, on reviendra sur le match de Saran notamment qui a été défait lors de cette journée ce week-end. On reviendra aussi sur le basket aussi, une défaite pour l'OLB assez large à l'extérieur, et puis la défaite aussi de l'USO, hein, 2-1 en football, donc malheureusement pas mal de défaites pour les équipes locales ce week-end. On y reviendra tout à l'heure donc avec hand, basket et puis football, bien sûr. On reviendra sur cette journée nationale, sur le jeu de la journée aussi, également bien sûr très international avec les différents matchs, les défaites l'équipe de France face à l'Allemagne 2-0, on y reviendra aussi tout à l'heure bien sûr. On parlera des matchs de la semaine, aussi le retour de la Ligue 1 ce week-end, ce sera aussi le programme bien sûr tout à l'heure. Et puis des briefs tennis aussi avec le Masters 1000 de Miami en ce moment, avec notamment Gaël Monfils qui donc jouera sur le troisième tour tout à l'heure face à Carlos Alcaraz. On reviendra sur donc ce tournoi avec encore donc la présence de Gaël Monfils, et puis du rugby aussi avec la journée de top 14 du week-end. Voilà le programme qui nous attend ce soir, et puis bien sûr on retrouvera Hugo dans une grosse demi-heure pour le débrief foot. On aura aussi des directs qu'on suivra en 21h. On aura un match en national, 26e journée, Versailles-Niort, et puis l'équipe de France Espoir qui affronte les États-Unis à partir de 21h05. Voilà les directs que l'on suivra ce soir. Une première pause et on revient juste après pour eh bien démarrer le programme avec déjà pour commencer des briefs. Donc Formule 1, et ensuite on aura tous les autres sujets avant bien sûr 21h15 pour le foot et Hugo avec nous. C'est parti pour démarrer avec le son. On va écouter Offenbach avec ce titre qui s'appelle Be Mine. On écoute ça, on revient juste après pour la première partie donc de l'émission dans maintenant 3 minutes. À tout de suite. Yeah. Offenbach avec Be Mine pour cette première pause. 21h40, et bien on va tout de suite lancer le programme de la soirée avec pour démarrer bien l'actualité mécanique. On reviendra d'abord sur hier le Grand Prix Formule 1 qui avait lieu avec ce Grand Prix d'Australie. Le doublé donc pour les Ferrari, donc avec la victoire de Carlos Sainz qui s'est imposé devant donc son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, le monégasque. La troisième place pour Lando Norris, le britannique, sur McLaren. Et puis une autre McLaren ensuite, c'est celle d'Oscar Piastri, donc deux Ferrari, deux McLaren pour les quatre premières places. Notez que les Français sont donc plus loin, bien plus loin. 13e place pour Pierre Gasly et en 16e place pour Esteban Ocon. Notez que Verstappen a dû abandonner après 3 tours, problème de frein notamment. Et puis Hamilton également qui a dû abandonner après le 16e tour et problème moteur donc sur ce Grand Prix d'Australie. Le classement pilote après donc ce Grand Prix, après cette étape donc et puis on représentera ensuite la suite évidemment du programme. C'est Verstappen qui est toujours en tête avec 51 points désormais, un petit peu d'avance sur Leclerc, 47 points, et sur Perez, 46 points. Donc plus beaucoup d'avance pour le pilote donc de Red Bull qui va devoir se refaire maintenant après cet abandon. Le prochain rendez-vous sera le 7 avril, donc pas ce dimanche, mais le suivant, avec le Grand Prix du Japon. Voilà pour la Formule 1. MotoGP, c'était là aussi une nouvelle course qui avait lieu hier au Portugal. Victoire de Jorge Martin, l'Espagnol. On retrouve à la deuxième place de ce Grand Prix du Portugal, eh bien l'Italien Bastianini, et puis un autre Espagnol ensuite, c'est Acosta à la troisième place. C'est les Français avec Quartaro septième, Zarco plus loin à la 15e place. Le classement donc après cette deuxième étape, c'était seulement la deuxième étape hein, de la MotoGP. C'est Bastianini toujours en tête, 60 points, avec Brett Binder en deuxième, 42 points. Les Italiens suivent derrière Bastianini et Bagnaia à 39 et 37 points. La suite des rendez-vous MotoGP, ce sera le 14 avril. Il y a une grosse trêve puisqu'on va aller du côté des Amériques avec le Grand Prix des Amériques, donc le 14 avril prochain. Donc grosse trêve, le temps donc de se rendre là-bas. Donc voilà, dans 15 jours, ce Grand Prix des Amériques. Notez les rendez-vous aussi que vous pouvez noter, c'est le rendez-vous du 12 mai avec le Grand Prix de France, donc évidemment qu'on aura l'occasion de l'évoquer à nouveau. Donc Grand Prix de France, ce sera le 12 mai prochain. Et puis le rendez-vous du week-end, ce sera le retour aussi des rallyes, championnat du monde des rallyes. Après deux premiers rallyes, bien rendez-vous à partir du jeudi jusqu'à dimanche, le rallye du Kenya. À noter pour le moment, donc dans ce championnat du monde, c'est Thierry Neuville qui est en tête, toute petite avance sur Elfyn Evans, le Britannique, donc seulement 3 petits points. Donc l'occasion de se départager déjà peut-être dès ce rallye donc du Kenya. Voilà le point sur toute l'actualité sport mécanique. On poursuit avec du handball et l'actualité de la Leicester League, notamment avec on le disait, Saran en déplacement à Dunkerque, qui allait être compliqué. Et bien, ça s'est confirmé, une défaite 31-24 pour Saran. Notez aussi la défaite de Chartres à domicile face à Saison Rennes, et puis Paris de son côté a été gagné à Limoges hier. Il conserve largement la tête évidemment devant Nantes et Montpellier. Pas de changement en bas puisque Saran garde 2 points d'avance sur Créteil 8 qui est 15e, et 4 points d'avance sur Dijon 16e, puisque Créteil a été battu à domicile par Montpellier, et Dijon même chose de son côté à Ivry. La 22e journée, ce sera samedi avec pour Saran la réception de Nîmes. Voilà, il sera l'occasion peut-être de réaliser une belle opération au classement en quête de victoire, on l'espère en tout cas. Donc le rendez-vous à noter, c'est je vais vous le donner tout de suite, ce sera donc vendredi soir cette rencontre donc Palais des Sports face à Nîmes. Et puis là, le grand rendez-vous à venir aussi, hormis le vendredi suivant où il y aura un nouveau match à domicile, mais ce sera la journée 25e journée avec la réception de Nantes, avec notamment l'Arena Comet qui sera à nouveau utilisée pour recevoir l'équipe nantaise. Donc ce sera le 17 avril prochain, on aura l'occasion d'en reparler également. Mais déjà, ce rendez-vous de la semaine prochaine, de ce week-end pardon, ça rend Nîmes. Ce sera vendredi donc à 20h, et puis il y aura un autre match le vendredi suivant avec la réception donc de Cesson-Rennes, et ça ce sera ce sera le vendredi prochain aussi à 20h. Voilà, mais on vous en reparlera aussi la semaine prochaine. Donc en tout cas, déjà 22e journée face à Nîmes, qui est 7e, donc 8e, donc pourquoi pas essayer de faire un coup. Et puis si on regarde un petit peu derrière, puisqu'on va s'intéresser aussi à Créteil et Dijon maintenant, jusqu'à la fin de la saison, avec donc notamment Créteil qui va se déplacer à Toulouse, 4e, et puis Dijon de son côté qui va recevoir Dunkerque, voilà, tombeur de Saran, ce week-end. Voilà les rendez-vous qui intéressent donc Saran ce week-end. En ce qui concerne chez les femmes, eh bien Metz qui est toujours leader incontesté, avec 2 points d'avance sur Brest qui est leader incontesté devant Metz avec 2 points d'avance. Rennes est joué encore dans cette journée, puisqu'il va rester encore quelques journées avant la fin de cette saison régulière. L'occasion aussi de retrouver un nouveau duel entre Brest et Metz, justement, qui pourra peut-être rebattre les cartes. Donc ce sera un petit peu plus tard dans la saison. En tout cas, pour le moment, eh bien, c'est toujours Brest qui domine ce championnat. En Ligue des Champions, avec cette semaine les 8e de finale aller pour Montpellier et Paris. Ce sera donc pour Montpellier mercredi, avec le déplacement à Zagreb. Donc d'abord, ce sera le match à l'extérieur, et puis pour Paris, ce sera jeudi avec le déplacement donc du côté du Wisla Płock chez les Polonais, donc pour tenter de faire déjà un premier écart lors du match aller. Et puis la semaine prochaine, les matchs retour, Montpellier recevra et Paris recevra également mercredi et jeudi prochain, donc pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions chez les hommes. Et puis chez les femmes, malheureusement c'est terminé pour Brest, qui a été battu lors du 8e de finale retour. Malheureusement, c'est terminé donc l'aventure, alors qu'elles avaient remporté les matchs à l'aller de 2 buts. Elles ont perdu de 5 buts ce match retour, donc c'est fini pour Brest malheureusement, qui s'arrête là dans cette compétition. On retrouvera Metz, donc déjà qualifié pour les quarts de finale, voilà, qui va tenter d'aller le plus loin possible dans cette compétition pour les Messines. Donc le rendez-vous de ces quarts de finale, voilà, est très important évidemment pour la saison, puisqu'elles sont, on le rappelle, pas encore, elles sont encore deuxièmes de ce championnat en première division, et elles vont se déplacer donc à Bucarest d'abord, avant de recevoir. Ce sera donc fin avril, début mai, ces rendez-vous donc de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà les bleus points en balle. Donc élimination donc de Brest, on le disait, dans cette Ligue des Champions malheureusement, alors que chez les femmes, en Nantes qui s'est qualifiée pour le Final Four de la Ligue Européenne, de la deuxième compétition européenne. Donc elles sont qualifiées, elles, les Nantaises, dans cette compétition pour le Final Four, voilà, qui aura lieu les 11 et 12 mai prochains. Voilà pour le point en handball. Je vous rappelle les directs, l'on va suivre dans maintenant un peu plus de 10 minutes. Versailles-Niort, donc en national, hein, Versailles 10e qui reçoit Niort 2e. Niort qui serait bien inspiré de s'imposer pour reprendre une avance sur Martigues, on en parlera tout à l'heure, mais histoire de retrouver un petit peu d'avance, alors que le Resta est toujours largement en tête. Et puis en 5 minutes après, 21h05, c'est l'équipe de France Espoir qui reçoit les États-Unis pour le deuxième match amical de mars, donc pour les préparations aux Jeux Olympiques. Voilà donc ce qui nous attend dans les directs tout à l'heure. Après le handball, le basket, c'était pour Orléans Pro B, l'un des matchs importants de la saison, face au leader, voilà, qui était à La Rochelle. Il n'y a pas eu de surprise pour l'OLB, avec un très mauvais départ qui a plombé l'équipe qui a été battue donc 76-64 chez le leader. Assez logiquement Orléans donc qui va devoir se battre jusqu'au bout, hein, pour aller chercher évidemment les playoffs qui est l'objectif de la saison. Et pour l'instant, eh bien c'est Orléans est cinquième, hein, toujours toujours une petite victoire d'avance sur Poitiers, sixième. Et puis ensuite, on retrouve Rouen à la quatrième place, Boulazac, Vichy, et puis La Rochelle toujours presque intouchable, en tout cas à domicile intouchable, hein, aucune défaite et seulement trois défaites à l'extérieur pour 22 victoires. Donc c'est vraiment une grosse série pour La Rochelle qui est bien installée dans cette première sans cette Pro B. Et voilà, donc deux matchs à venir cette semaine, hein. Une semaine très importante, primordiale pour l'OLB, qui va d'abord recevoir donc demain à 20h Saint-Chamond, donc ce sera Comet Arena. Et puis un autre match donc vendredi pour la 27e journée, déplacement à Nantes. Donc Saint-Chamond et Nantes au programme. Saint-Chamond qui est 11e et Nantes 10e. Voilà, deux adversaires moins bien classés, donc il faudrait vraiment 2 sur 2 pour se repositionner dans ce championnat. Voilà, donc ce sera les deux rendez-vous donc de la semaine. Et puis il y aura ensuite un nouveau match à domicile vendredi de la semaine prochaine. Ce sera la réception de Chalon-Reims. Voilà les prochains rendez-vous pour l'OLB. En ce qui concerne la Betclic Elite, on a toujours la première place pour Monaco, hein, qui reste installé en tête. Toujours là aussi une grosse série de victoires. La dernière en date, c'était hier, victoire face à Strasbourg assez large, 92-78. Hein, voilà, qui a pas fait de détails encore et qui reste bien installé en tête de cette la Betclic Elite. Voilà pour ce qui concerne la Betclic Elite. Et puis un mot aussi de l'Euroleague. Hein, on retrouve aussi Monaco toujours engagé qui va se qualifier sans problème pour la suite de la compétition. Voilà, qu'on approche tranquillement de la fin de la saison régulière. 31e journée la semaine dernière, victoire sur le fil de Monaco 79-78 qui reste quatrième au classement à égalité avec le FC Barcelone et avec le Panathinaikos. Voilà, c'est vraiment très serré. Seul le Real fait mieux, qui va terminer en tête. Mais sinon pour Monaco, la deuxième place est très proche. Il reste trois journées, hein. Ce serait vraiment intéressant de finir deuxième pour avoir un quart de finale un peu plus facile à jouer. 32e journée donc cette semaine, Monaco, ce sera un déplacement donc à l'ASVEL. Donc 100% en français cette rencontre. L'ASVEL est toujours avant-dernière, hein. Et qui terminera à cette place-là, puisque voilà, il n'y a plus d'enjeu, peut-être l'enjeu de ne pas finir dernier. En tout cas pour Monaco, une victoire importante pour rester à cette deuxième place face à l'ASVEL cette semaine. Ce sera l'objectif. Ensuite il y aura match face à Kaunas et enfin match face au Bayern Munich. Voilà les derniers rendez-vous pour Monaco. Donc Kaunas 14e et le Bayern 15e. Donc Monaco qui va jouer ces trois matchs face aux cinq derniers. Donc vraiment trois victoires sur trois, ce serait l'idéal pour essayer de rester deuxième de ce classement et d'aller chercher un quart de finale plus abordable, hein, évidemment face aux moins bien classés. Donc face au septième de ce classement, ce serait vraiment l'idéal pour aller chercher un meilleur adversaire possible. Voilà pour l'Euroleague, les infos de ce soir. Donc toujours Monaco qui va très très bien, on le rappelle. Et puis en Ligue des Champions, ça y est, on connaît les quarts de finale donc de cette Ligue des Champions. Malheureusement, il n'y aura pas de club français dans ces quarts de finale, puisque tous nos clubs français ont été sortis au deuxième tour de cette compétition. Donc ça ne passe pas, notamment pour Dijon qui a terminé troisième, et puis pour Strasbourg et Cholet là aussi troisième et quatrième. Ça s'est pas joué à grand chose, malheureusement ça s'arrête là. Donc pas de représentant français quart de finale de la Ligue des Champions. Donc ça s'arrête là pour nos clubs français. Et puis dans la dernière compétition, l'Eurocoupe, les demi-finales sont connues. On aura un représentant français, on aura deux représentants français, ce sera Bourg-en-Bresse et Paris qui se sont qualifiés la semaine dernière, donc avec la manière en plus, et qui seront posés pour Bourg-en-Bresse à Beşiktaş et pour le Paris Basket à London Lions. Donc possiblement une rencontre 100% française en finale. Demain c'est Bourg-en-Bresse qui démarrera à 19h sa rencontre, et puis le Paris Basket jouera à 20h45. Match retour vendredi, hein, donc on connaîtra la finale dès cette semaine, avec on l'espère un duel 100% français. Ce serait l'idéal, en tout cas on suivra ça cette semaine. Et puis enfin chez les femmes, là aussi l'Euro, pour vous revenir sur les résultats, donc pas de Français en Eurocoupe, hein, la finale qui aura lieu au mois d'avril, mais il n'y aura pas de club français, on connaît déjà l'affiche. Et puis en tout cas en Euroleague, toujours des espoirs français, avec Villeneuve-d'Ascq qui sont qualifiés pour le Final Four, qui sera posé à Prague, et puis l'autre demi-finale opposera Fenerbahçe au club de Kukurova. Voilà, ce sera l'adversaire pour le Villeneuve-d'Ascq Prague dans ce Final Four. Et on l'a appris, donc Villeneuve-d'Ascq qui n'accueillera pas le Final Four finalement, qui était candidat, et ils n'ont pas été retenus. C'est la ville turque de Mersin qui a été choisie pour accueillir ce Final Four. Ce sera le 12 avril prochain, donc la finale qui aura lieu le 14, hein, dans la foulée. Voilà pour Villeneuve-d'Ascq, la possibilité de remporter un titre cette demi-finale déjà, et on espère une finale évidemment. Voilà le point en France, et puis en NBA, hein, du côté des États-Unis, là aussi on approche tranquillement de la fin de la saison régulière. On a appris la blessure de Victor Wembanyama, qui a été blessé à une cheville. Donc c'était lors de cette dernière rencontre, il y a eu une entorse à la cheville gauche. Il va donc manquer le match à domicile face à Phoenix cette nuit. Une petite entorse, une entorse déjà à la cheville droite le 5 mars dernier, et là deuxième entorse cette fois sur l'autre jambe, l'autre pied. Donc saison pas simple pour le français. Il a été touché face dans sa rencontre face à Phoenix. Le français qui est donc blessé, on espère le moins longtemps possible. Et cette nuit il y aura encore également toutes les rencontres, il y aura tous les matchs, hein, de la nuit à partir de minuit et demi, du minuit même jusqu'à 3h30, alors que les classements n'ont pas bougé, hein, depuis la semaine dernière. Boston reste le leader à contester à l'Est, alors qu'à l'Ouest, Denver reste leader juste devant Oklahoma City. C'est assez serré, il y a aussi Minnesota. Voilà, les trois se tiennent un peu de matchs de retard, et les Spurs toujours derniers en 71 journées. Il reste encore 15-16 journées pour tout le monde, 15-16 matchs. Donc voilà, on approche tranquillement de la fin de cette saison régulière avant d'attaquer bien entendu les playoffs. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette actualité basket. Le début du match, ça y est, ça démarre dans une toute petite poignée de secondes. Moins d'une minute pour Versailles, Niort en national, et puis France États-Unis chez les espoirs. Ce sera 5 minutes après, donc dans 5 petites minutes pour le début de cette rencontre. On va marquer une petite pause et on va revenir juste après le programme. Donc on parlera de rugby, de tennis, et puis on aura juste après Hugo bien sûr avec nous pour la suite. On a un petit peu de temps ce soir puisque vous le savez, il y a eu l'actualité de foot a été moins intense cette semaine avec la trêve internationale, donc on aura un petit peu moins de débrief, un peu moins de boulot sur le foot ce soir, donc on a un peu plus de temps, donc on va marquer une petite pause avant de passer sur la suite du programme. Et ensuite on aura Hugo donc vers 21h15. C'est parti avec ce titre. Qu'est-ce qu'on a écouté hier? Dites-nous, hein, si vous voulez, vous avez envie d'écouter des choses. C'est avec plaisir, vous nous écrivez sur la page Facebook La Red Arc du Sport, et on vous passe évidemment les titres en direct si vous avez des demandes. Et puis sinon vous pouvez nous appeler aussi pour parler de sport, 0238 434 800 pour débriefer avec nous ce qui s'est fait tout le week-end. Allez, c'est parti, on écoute Manu Chao avec Je ne t'aime plus. C'est tout de suite pour la Red Dragon Sport. Il est 21h. À tout de suite. J'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. Manu Chao avec Je ne t'aime plus, voilà pour ce titre, et donc Manu Chao, extrait de son album Clandestino. On est de retour pour la deuxième partie, avec dans quelques instants le débrief du rugby du week-end, c'était le top 14. Et puis on aura bien sûr et également juste après le tennis avec toute l'actualité, hein, donc également de Masters 1000 qui est en cours, hein, du côté de Miami. Voilà ce qui nous attend dans les prochaines secondes. Et puis les directs, ça y est, c'est parti en Ligue en National, j'allais dire en Ligue 2 en National, entre Versailles et Niort. Et puis dans deux minutes, c'est parti aussi chez les Espoirs pour France États-Unis, deuxième match de préparation aux Jeux Olympiques. Après la victoire, on en parlera tout à l'heure, de la France face à la Côte d'Ivoire. Non, ça n'a pas été simple, mais en tout cas la France a réussi à poser les espoirs dans cette rencontre. Le rugby, donc c'était le top 14 une nouvelle fois ce week-end avec la 19e journée, hein. C'était le retour après la trêve internationale, hein, gros, il y avait 15 jours, 3 semaines de pause. Nouvelle journée, c'était la 20e journée pour ce top 14, avec notamment, on va parler de deux victoires à l'extérieur qui ont lieu sur cette journée. C'était notamment une victoire de Perpignan à l'extérieur à Iona, 15-14, hein, petite victoire. Là aussi, l'autre victoire à l'extérieur, c'est le Racing qui a été s'imposer sur une petite marge, 23-21 face à Castres. Et puis sinon, que des victoires à domicile. Carton de Toulon face à Montpellier, 54-7. Vraiment gros carton, 8-7 transformé. Enfin, 8-7 ont 7 transformés. Voilà, donc une grosse offensive du côté donc de Toulon. Et puis on a aussi clairement qui a battu Pau, le Stade Français s'est imposé aussi. Ou encore la victoire de Bayonne face à La Rochelle. Et hier, c'est Bordeaux qui a battu Toulouse 31-28 dans la rencontre de dimanche soir. Le Stade Français conserve la tête devant avec 59 points devant Toulouse 56 points. Bordeaux est troisième 49 points. Le Racing 48 points et quatrième. On a ensuite Toulon, La Rochelle avec 46 points et Castres, Pau à 45 points. C'est très serré quand même, hein. Et puis Bayonne 43 points. On a encore beaucoup de possibilités pour ces équipes, même clairement avec 42 points pour aller chercher les playoffs. Après, on est un petit peu plus bas, hein, pour Perpignan, Lyon et Montpellier, on est à 39, 38 et 37 points. Puis Oyonnax qui est largement en dessous, 26 points, qui devrait redescendre. En tout cas, pour les autres, tout est encore possible pour cette fin de saison. On va jouer la 20e journée ce week-end, alors qu'on aura 26, hein, il reste 7 journées. Tout est possible encore, avec notamment les matchs de samedi et de dimanche, avec Bayonne-Toulon dimanche pour finir cette journée. Et avant cela, on aura Montpellier, le Stade Français, notamment samedi. Voilà, on va noter aussi pour Toulouse la réception de Pau, ou encore pour Bordeaux, eh bien le déplacement à Lyon. Voilà pour cette 20e journée, donc de la saison de Top 14. Et puis un petit peu plus tard, bientôt même, je vais dire un peu plus tard, mais ça va pas tarder, le retour aussi de la des Coupes d'Europe, hein. Ce sera la semaine prochaine déjà, ça va vite arriver. On rappelle qu'on a pas mal de clubs français engagés: Lyon, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, le Racing, voilà, qui sont encore qualifiés dans cette Champions Cup. Et puis dans l'autre compétition, dans la Challenge Cup, là aussi on a des clubs français qui sont encore engagés: Castres, Clermont, on a Bayonne, Montpellier et Pau. Voilà, ça fait quand même pas mal d'équipes, hein, qui sont encore qualifiées pour la suite et les huitièmes de finale dans ces compétitions. La suite, c'est le tennis tout de suite, avec bien le rappel de ce tournoi qui est en cours, c'est le Masters 1000 de Miami. Rappel qui a lieu depuis la semaine dernière. On rappelle toujours pour le vainqueur du tournoi de Indian Wells, c'est Carlos Alcaraz, on rappelle, qui a remporté le tournoi face à Medvedev, et il était encore engagé évidemment l'Espagnol sur ce tournoi à Miami, et pour l'instant qualifié pour le troisième tour. Il affrontera Gaël Monfils au troisième tour, lui qui se qualifiait, le Français, en battant Thompson, l'Australien, en trois manches, voilà, qui est déjà passé par un premier tour là aussi en deux manches. Donc qualifié le Français pour ce troisième tour. Ça va être compliqué, hein, face à l'Espagnol. Ce sera cette nuit à partir de 23h, donc les premiers matchs donc qui vont redémarrer. On a donc dans le reste du tableau pas d'autres Français, puisque Hugo Humbert a été battu tout à l'heure en trois manches par Kopfer, l'Allemand. Le score 3-6, 6-4, 6-3. Qualifié pour la suite, donc Yannick Sinner qualifié pour les huitièmes de finale, puisqu'il a s'est sorti tout à l'heure de ce match face à Griekspor en trois manches. On aura aussi Daniil Medvedev qui sera au rendez-vous des huitièmes de finale après sa victoire face à Cameron Norrie, le Britannique, 7-5, 6-1. Kasper Ruud aussi, victoire en deux manches face à l'Espagnol Davidovic Fokina. Alexander Zverev aussi sera présent. Kachanov, voilà les premiers rendez-vous des huitièmes de finale. Donc on aura ce Zverev Kachanov intéressant. Yannick Sinner attend son adversaire, et puis sinon on attend aussi les autres matchs du troisième tour, hormis ce Alcaraz Monfils, Muzetti Shelton, Dimitrov Hanfman, Korda Hurkacz, notamment dans les matchs qui seront joués cette nuit. Voilà pour le point donc sur ce Masters 1000 de Miami, et donc les huitièmes de finale à partir de demain. Chez les femmes aussi, on est à Miami cette semaine pour ce tournoi de la semaine, avec les qualifications là aussi pour on a un petit peu plus en avance. Alors ça a été très compliqué, hein, cette semaine à Miami, il a beaucoup plu et ça a un petit peu perturbé le bon déroulement du tournoi. Donc on a un petit peu de retard chez les garçons. Chez les femmes, on connaît déjà trois qualifiés pour les quarts de finale. On aura la qualification de Rybakina, qui s'est qualifiée en deux manches face à Madison Keys. Elle affrontera Sakkari, la Grèce, en quart, puisqu'elle s'est qualifiée après le forfait de son adversaire. Donc dans les huitièmes de finale. On rappelle l'élimination de Sabalenka, numéro 2 mondial, biélorusse, qui a été battue au troisième tour du tournoi. Voilà, donc c'est fini pour elle. Alors, rappelle qu'elle a été victime d'un drame, puisqu'elle a perdu a pris le décès de son ex petite amie qui faisait encore des déplacements régulièrement avec elle. Donc elle est rentrée un petit peu dans le tournoi, c'était assez compliqué pour elle. Elle a passé son premier tour et malheureusement elle était battue au troisième tour de ce tournoi. Donc c'est terminé pour la numéro 2 mondiale. En revanche, la numéro 1 mondiale sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale. Elle jouera cette nuit également. On aura Caroline Garcia, dernière représentante française, qui jouera tout à l'heure. Ça va être sa même partie. Ça y est, depuis quelques minutes à peine, et elle a déjà fait le break, la française, dans sa rencontre face à Coco Gauff, l'américaine, qui est tête de série numéro 3. Donc c'est vraiment un gros match pour elle. Hein. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien dans ce début de tournoi. La française qui pour l'instant mène face à la numéro 3 mondiale. Hein. Donc c'est vraiment une grosse rencontre pour elle. 2-0. Et on va suivre ça. Donc elle mène dans ce début de rencontre. Et puis sinon dans le reste du tournoi, Azarenka aussi qui est encore engagée dans le tournoi des huitièmes de finale. Voilà donc en tout cas française qui a l'occasion de se qualifier peut-être pour les quarts de finale avec un adversaire en plus près à sa portée en quart de finale, puisque ce sera la victoire qui elle rencontrera la vainqueur de Christea Collins, donc largement à sa portée pour les quarts de finale pour la française qui est dans le côté de tableau de Swiatek, hein, dans la polonaise, donc elle pourrait rencontrer en demi-finale éventuellement. Il faudra déjà gagner ce soir. Et pour l'instant, on suit ça se passe bien. Elle a fait le break 3-0. La française même, elle a confirmé son break. Donc, elle a même rebreaké. C'est un double break puisqu'elle va servir maintenant à nouveau pour essayer de confirmer son double break. Donc, ça se passe très très bien pour la française dans ce début de rencontre. La France est partie face aux États-Unis chez les espoirs. C'est aussi parti depuis 10 minutes entre Versailles et Niort. Même 12 minutes maintenant, 0-0 toujours dans les deux rencontres. Et ensuite toujours le tennis, bien sûr, en fil rouge. Voilà le programme de la semaine en tennis, donc Miami jusqu'à la fin de la semaine. On va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver juste après avec Hugo pour le débrief foot. Voilà, dans la foulée. Donc on va se retrouver juste après. Et on va suivre évidemment. Tous ces matchs en direct, il y a pas mal de choses finalement, les deux matchs plus le tennis, Caroline Garcia, donc ça se passe pour l'instant bien pour elle puisqu'elle mène 3-0, double break, et elle va essayer de confirmer tout ça dans les quelques minutes à venir. Allez, on marque une pause et on revient juste après. Donc programme football, débrief de cette trêve internationale, les premiers matchs, l'équipe de France, les espoirs aussi. Demain aussi le France-Chili pour l'équipe de France, avant le retour aussi de la Ligue 1, on va en parler. Donc juste après ce titre de David Guetta et Kungs, c'est All Night Long, tout le monde écoute tout de suite et on se retrouve juste après. À tout de suite. c'était à Kungs et Easy Busy pour ce titre All Night Long, dernier titre de Kungs, donc tout frais. Et on va maintenant revenir pour la partie foot. Dans quelques instants, on aura Hugo avec nous, hein, d'ici 5 petites minutes. On va avant ça revenir sur notre direct, le temps de revenir là-dessus. On va aussi, tiens, on va juste parler deux petites minutes de tennis de table, puisqu'on avait ce week-end les championnats de France de tennis de table, et pour vous dire que eh bien c'est encore une fois une finale, une victoire des frères Lebrun, hein, qui ont encore été dominateurs tout au long du week-end, avec d'abord le titre pour les frères Lebrun lors du double. Félix Lebrun et Alexis Lebrun qui se sont imposés donc en double sur les championnats de France. Et puis ensuite on avait la finale donc simple, hein, qui a opposé encore une fois les deux Français, comme l'année passée déjà. C'est hier à Montpellier. Et c'est une nouvelle fois Alexis Lebrun, l'aîné, qui a battu son petit frère. Donc sur cette finale. Troisième titre consécutif, hein, pour Alexis Lebrun, pour le plus grand des frères. Voilà, alors que d'ailleurs que c'est le plus jeune, hein, qui est le meilleur joueur au classement, puisqu'il est cinquième meilleur joueur mondial. Et voilà, il a une nouvelle fois été battu par son frère. Donc en 6 manches, on rappelle que on joue au meilleur des 7 manches, donc il y a eu 6 manches, alors qu'il a eu plusieurs balles de 7 pour aller chercher un dernier set, un ultime set, et finalement il a été repris. Et c'est donc une nouvelle fois Alexis Lebrun qui s'impose. Et qui remporte donc un nouveau titre donc en finale des championnats de France, donc le dernier set assez spectaculaire, 16-14. On rappelle que c'est un set en 11 points qui se joue, et c'est le plus grand frère, qui est 22e mondial, hein, Alexis Lebrun au classement, et alors que son frère 5e, et donc c'est 4 victoires en finale. Enfin, 4 victoires face à son petit frère, 4 victoires, donc 0 défaite, hein, et à chaque fois il s'impose. Et cette actualité. Puis les frères, on le disait, se sont imposés lors du double. Voilà pour cette petite info tennis de table. Le reste, c'est le match toujours en direct, hein, France Espoir 0-0, toujours entre la France et les États-Unis. Donc je rappelle la composition pour Thierry Henry avec Guillaume Rest gardien. Pour la charnière centrale, on retrouve donc Diakité et Steve. On a ensuite Loco, Sidilia. On a ensuite Koné, Diouf, Kliouche et Cherki au milieu de terrain. Puis devant Kalimundo et Odobert. Voilà qui mène l'attaque. Française ce soir, donc face aux États-Unis. On y reviendra tout à l'heure, mais la victoire aussi des Bleus lors du pré-match de préparation au JO, hein, c'était face à la Côte d'Ivoire. On va y revenir dans un instant. Et bien sûr, on parlera aussi de l'équipe de France face à l'Allemagne, cette défaite 2-0. On parlera du match qui arrivera demain face au Chili. Et bien sûr, on parlera aussi du retour de la Ligue 1, ce sera ce week-end. Versailles-Niort, c'est l'autre match que l'on suit en direct. Ce match de la journée numéro 26 en national, entre donc Versailles 10e et Niort 2e. Et donc c'est la 17e minute. Pas de but pour l'instant dans cette rencontre. Il se passe pas grand chose pour le moment. Voilà, c'est ce match-là. Vous pouvez le suivre sur Canal Plus Foot si vous souhaitez suivre cette rencontre. 20e minute. Voilà, pas de but encore à noter dans cette rencontre. Et puis pour France États-Unis, ça se passe sur la chaîne de l'équipe, hein, si vous voulez suivre le direct. En tennis, Caroline Garcia mène toujours 4 jeux à 1. Tout va bien pour la française. Pour l'instant elle mène les débats face à Coco Gauff, donc numéro 3 mondial. Et pour l'instant elle fait un meilleur démarrage que son adversaire. Après, c'est le 8e de finale du Masters 1000 de Miami. pour la française. Donc on va suivre bien sûr sa rencontre en fil rouge tout au long de la soirée. Voilà, et puis un petit peu plus tard en soirée, ça sera la rencontre entre Gaël Monfils et Carlos Alcaraz, voilà, qui aura lieu lors d'un night session là-bas aux États-Unis, donc ce sera un petit peu plus tard à partir de 23h. Voilà, pour le français, donc il y aura vraiment un gros enjeu face à l'espagnol pour on va espérer remporter cette rencontre. Donc ce sera à partir donc de 23h. Voilà pour les directs donc que l'on suit. On va retrouver Hugo dans ces quelques petites secondes. Et on va pouvoir commencer à débriefer toute cette page foot. Donc les matchs, on parlera bien sûr d'équipe de France, mais on aura aussi les autres matchs qui avaient lieu tout au long de cette semaine, match donc de préparation, match amico, et puis il y avait aussi bien sûr les barrages, hein, on y reviendra sur les barrages de l'Euro, hein, enfin en tout cas les barrages de la Ligue des Nations pour se qualifier pour l'Euro, hein. Voilà, on va en parler aussi dans quelques instants avec les possibles adversaires français que l'on retrouvera à l'Euro. Voilà, puisqu'il y avait des débarrages qui avaient lieu, hein, tout au long de cette semaine. Donc on aura l'occasion de revenir aussi sur tout ça tout à l'heure, donc dans le courant de cette prochaine heure, avec Hugo qui va nous retrouver dans un instant. Le temps de le mettre en place à l'antenne et on le retrouve juste après. Donc on va juste marquer une petite pause avec un petit son et on revient juste après pour le mettre en place sur le standard. Donc on se retrouve après et bien une petite pause. Vous avez félicité Bruno Mars, ben on va l'écouter tout de suite. Et on le retrouve donc juste après pour le foot. Hugo, le temps qu'on puisse le mettre on a un petit peu plus de technique maintenant, donc on va en profiter pour le mettre en place tout de suite avec Uptown Funk tout de suite. Donc c'est Mark Ronson et donc Bruno Mars. À tout de suite donc dans deux petites minutes, le temps de retrouver Hugo avec nous. Just Allez, retour avec Bruno Mars à l'instant et Mark Ronson Uptown Funk. Le temps, cette pause, le temps de retrouver Hugo qui nous a rejoint au standard. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à tous. Comment vas-y, il va celui-ci ce soir? Bah écoute, ça va très bien. Je suis devant France-États-Unis, match espoir. Écoute, tout va bien pour l'instant. Il y a peut-être y a une offensive française. Ouf, quel arrêt du gardien américain. Bah écoute, tout va bien, tout va bien. Bon, il y a eu ce match de samedi qui a levé un peu quelques doutes, mais ça va bien dans l'ensemble. Bon, on va en parler, ouais, justement, ce match face à l'Allemagne. Donc ce match-là, on va revenir sur les autres matchs, hein, la plupart des matchs qu'on a pu voir ce week-end sur cette trêve. Demain aussi, France-Chili. Donc voilà, ce sera, on va en parler aussi. Il y a d'autres matchs aussi internationaux dont on peut parler. Hein. Je vois un Angleterre-Belgique par exemple là, qui va être sympa aussi. On va y revenir aussi. Et puis bah on aura aussi la Ligue 1 qui va revenir vendredi. Donc on va pouvoir revenir sur ces rencontres qui arrivent. Et puis pronostiquer tout ça aussi tout à l'heure. Et puis les directs. Donc bah ce France États-Unis et Versailles Niort aussi. Qui donc est en direct donc en national. C'est des matchs de ouf. Hein. Ouais, gros match ce soir. C'est magnifique. Et puis on a aussi donc du tennis, Caroline Garcia qui mène toujours 4-2 dans sa rencontre face à Goff à Miami. Donc 4-2 toujours un break en poche pour elle. Et puis il y avait aussi, on en parlera, les barrages hein, pour le qualification à l'Euro. Hein. Qui nous intéresse particulièrement puisque ça concerne l'équipe de France dans son groupe hein. Donc on va en parler aussi dans quelques minutes. Avant ça revenons aussi sur ce match de l'équipe de France hein, face à l'Allemagne donc samedi. Voilà ce match amical on rappelle déjà il y a 6 mois maintenant la France avait déjà perdu face à l'Allemagne hein. C'était donc en Allemagne cette fois et nouvelle défaite, nouveau revers face à l'Allemagne. D'ailleurs, c'est les seules défaites hein, sur l'année, hein, sur les 12 derniers mois. Ces deux matchs face à l'Allemagne et ça a démarré très très vite. Hein, il fallait pas louper le début du match très très rapidement. Et d'ailleurs, c'est surprenant. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un but comme ça rapide contre l'équipe de France. Je sais pas, toi, moi, ça me dit rien. Bah ouais, c'est sûr. Un but rapide comme ça, bah déjà, que ce soit contre l'équipe de France ou contre n'importe qui, c'est vrai que c'est assez rare, mine de rien. Quoique, mais d'en voir des aussi rapides. Mais moi, ce qui est intéressant, je trouve que c'est vraiment dans la conception de ce but-là. Bon, sans doute, ça a été travaillé à l'entraînement par les Allemands, mais. Donc, l'engagement qui est fait par je ne sais plus quel joueur. Et qui revient donc à Toni Kroos. Toni Kroos, il se retourne, donc il est dos à l'attaque allemande. Ouais, c'est ça. Comme s'il allait jouer avec son défenseur ou peu importe. Ou poteau pour l'équipe de France espoir qui a pu ouvrir le score face aux États-Unis. Et donc pour revenir au France A, donc voilà. Donc Toni Kroos qui tourne le dos, donc on pense que voilà, il va faire une passe en retrait, normal. Enfin c'est le début du match. Et pendant ce temps-là, t'as 4 joueurs, donc il y a Abert, Wirtz et puis j'en oublie 2, mais qui partent tout de suite vers l'avant à fond. Et Toni Kroos, au dernier moment, il se retourne et il va mettre une balle en hauteur donc vers Florian Wirtz, justement le milieu de terrain offensif de Leverkusen, qui d'ailleurs fait une saison exceptionnelle, on le dit encore. Et donc voilà, Wirtz se retrouve un peu entre les milieux de terrain français et la défense, donc il y a un gros trou en fait entre ces deux lignes-là de notre côté, et qui du coup se retrouve dans une position confortable, il peut avancer un petit peu, sachant que Koundé latéral droit avait repiqué dans l'axe à ce moment-là, sauf que quand il a vu que il avait laissé derrière lui Koundé, c'était Havertz je crois derrière lui, donc côté gauche il était tout seul. Koundé au dernier moment avant que Wirtz frappe, il retourne vers son côté droit pour essayer d'aller reprendre Havertz qui était tout seul pour pas laisser une position de passe, une situation de passe quoi facile pour lui. Et ce qui fait que Wirtz en fait il a vraiment été tout seul tout le long. Le temps qu'il contrôle le ballon, qu'il s'avance un petit peu et qu'il arme sa frappe. Et après, il met une superbe frappe, hein, à dire qu'il n'y a rien à dire. Mais voilà, on sent que ça a été un schéma répété par les Allemands, finalement, à l'entraînement. Et puis par rapport aussi, forcément, aux positions françaises, avec l'absence de Griezmann, tout ça, ça a dû. Ça a pas aidé. ça n'a pas aidé. On a dû faire des ajustements au niveau des positions, des ajustements tactiques. Et voilà. Et alors, il y a pénalty pour l'équipe de France Espoir contre les États-Unis. J'ai loupé l'action où il y a eu pénalty. Mais en tout cas, Kalimuendo qui s'apprête à armer son pénalty. Donc, on va rester quelques instants avec ce match-là, ce pénalty de Kalimuendo. Avec ce coq toujours aussi énorme sur le maillot. Incroyable, ouais, ce coq. Ça a beaucoup fait parler, ouais. Si tu veux, on va en débattre après, parce que j'ai mon avis. Alors, on va juste peut-être attendre juste le pénalty de Kalimuendo. Donc, qui est bien concentré, il souffle. Voilà. Enfin, il souffle, mais voilà. Il se concentre. Concentré. Voilà. Le gardien américain qui est au-delà de sa ligne, il va se replacer. L'arbitre qui prépare tout le monde. Et qui va siffler, voilà, Kalimuendo qui s'apprête à tirer. Et voilà, c'est très bien transformé. Contre-pied parfait, 1-0 pour l'équipe de France Espoir contre les États-Unis. 1-0 pour la France, but de Kalimuendo sur penalty. Juste un petit aparté du coup sur les maillots, t'en penses quoi toi, Rémi? Alors j'aime bien le retour. Alors, je sais pas si c'est. T'as un haut-parleur non, à la maison? Allô? T'as dit quoi? Ouais. T'es un haut-parleur non, ou t'es un. Non, je suis en bas, je m'entends en pire en écho, c'est pas grave. Oui, je disais, j'aime bien le retour du bleu roi. On est d'accord là-dessus. Le bleu roi, bleu électrique, hein, qui avait été abandonné il y a quelques années maintenant, puisque ça fait un petit peu. Depuis que Nike est arrivé, en vrai, ça a beaucoup été. Il n'y a quasiment pas eu ce bleu-là. En 2016, Euro 2016. À l'Euro. Et après, depuis, ça a toujours été du foncé. Et donc ça, j'aime bien ce retour-là. Le col bleu, blanc, rouge, pourquoi pas, c'est sympa. Mais ouais, ce coq est un peu imposant. Et alors, autant la couleur retour un peu aux couleurs d'origine, j'aime bien doré comme ça, bah, un peu imposant. C'est vrai qu'il est un peu gros et bon, on va s'y habituer. Hein, mais pour le reste, ouais, le flocage à l'ancienne aussi. Flocage vintage. Ouais, ça va un peu penser à 98, ouais, exactement, ouais. En relief comme ça un peu en 3D et voilà, pourquoi pas. Mais le coq, ouais, peut-être un peu trop gros, mais bon, après on va s'y faire, je pense. Hein. Ouais, c'est beaucoup ce qui est revenu, hein, ce coq, beaucoup plus gros que d'habitude, en tout cas depuis des années. Alors moi, personnellement, alors je sais pas, c'est parce que j'ai un goût pour le vintage assez prononcé, mais personnellement j'aime bien, ça rajoute quelque chose. Alors bon, il est peut-être un peu trop gros, mais honnêtement, ça me choque pas tant que ça. Et au final, j'aime bien, je trouve ça sympathique. Et puis comme tu dis, les couleurs en tout cas qui sont revenues, le coq doré, bon, la crête bien rouge, le petit sol vert, ouais, enfin, les petites herbes vertes, je trouve ça sympa aussi. Non, en tout cas, bref, je trouve que c'est un très beau maillot. Puis comme pareil que toi, hein, le bleu royal comme tu dis, je trouve ça. Ouais. Enfin, je suis très content que ça revienne. Parce que du coup, comme je commençais à le dire, depuis que Nike est arrivé en 2011, on l'avait pas eu ce bleu-là à part donc en 2016, qui était un petit peu revenu. Ouais. Sinon c'était un bleu marine, un bleu nuit, ouais. Oui, c'est pas vraiment la couleur de la France. Enfin, le drapeau est plutôt bleu comme ça. Le drapeau a changé depuis que Macron a changé un peu la couleur du bleu. Je sais plus c'était en quelle année ça, il n'y a pas très longtemps, que le bleu du drapeau français est vraiment tombé dans le bleu un peu nuit. Oui, c'est ça. Ouais. Mais puis même de loin, quand je regarde à la télé ou même je pense au stade, ce bleu-là, royal, on le voit mieux. Oui, Là, tu regardais, je sais pas, la Coupe du Monde 2018, déjà, rien que la finale, où on était tout en bleu, tout l'ensemble, et qu'un bleu nuit comme ça, lui, on croyait qu'on était en noir de loin. C'est vrai que bleu, blanc, rouge, c'est plus classique et on a un retour. Il n'y a plus trop de uni comme il y a une période où c'était vrai que tout bleu ou tout blanc. On le voit moins, ça. Bah après, généralement, ça c'est par rapport aux adversaires, selon leur couleur de short, leur aussi, couleur de chaussettes. Là, je sais qu'il y a forcément maintenant d'autres tenues de batte, donc bleu, blanc, rouge, mais il y aura aussi parfois un short bleu. Donc ça pourrait faire bleu, bleu, rouge. Ouais, aussi, ouais. Mais je pense pas que cette année, enfin, avec ce maillot-là, il y aura un bleu, bleu, bleu, logiquement. Mais à moins qu'on tombe contre un adversaire avec des chaussettes rouges, je sais pas, mais normalement, le short bleu, on va le voir, c'est sûr. Mais enfin, bref, c'est important. En tout cas, je trouve ça un beau maillot réussi. Ça me fait plaisir de retrouver ce bleu-là aussi. Et après, l'extérieur. J'attends de voir l'extérieur. J'ai En tout cas, de visu comme ça, sans être porté, je le trouve moins bien, mais faut le voir porté. Ouais. On va attendre peut-être demain. Non, peut-être pas d'ailleurs. Chili devrait jouer en rouge, donc. Contre le Chili, ouais, je sais pas. Peut-être, peut-être blanc et rouge, ouais. Peut-être qu'on jouera en blanc, je sais pas. On verra demain, mais. Ouais, bah, je trouve pas trop mal. C'est pas le meilleur extérieur qu'on a eu. Enfin, mais moi, personnellement, j'ai toujours été plus fan, bizarrement, des maillots blancs de l'équipe de France, donc des maillots extérieurs, oui, que des bleus. Enfin, en tout cas, je trouve qu'ils étaient plus esthétiques, plus sympas, en tout cas, par rapport aux maillots bleus. Bon, même si on a eu des bleus, évidemment, très beaux, hein, pas de problème, mais je trouve que c'était plus que maillot blanc. Ouais, celui-là, il m'a l'air pas trop mal. Bon, c'est des bandes bleues, blanc, rouge aussi. Ouais, avoir aussi porté avec ce coq-là aussi. On verra bien demain comment c'est, mais je trouve que c'est des beaux maillots quand même. Oui, dans par rapport à Nike. Ils sont beaux, oui. D'ailleurs, la recherche de l'équipementier va être renouvelée en 2026 là, donc Nike va se repositionner évidemment, mais on verra si conservé. D'ailleurs, en l'Allemagne qui va changer aussi en 2026 hein, et qui va passer Nike désormais. Ouais, ça c'est vraiment historique. Adidas étant une marque allemande évidemment, c'est vraiment historique quoi. C'est pas Oui, nous, on a été Adidas pendant au moins 30-40 ans, mais pour l'Allemagne, qui a toujours été Adidas, c'est évidemment Adidas qui est une marque allemande, c'est vrai que c'est encore plus ça fait historique parler de leur côté. Ouais. Voilà, donc, et d'ailleurs, moi, après ça, j'ai pas trop aimé les shorts allemands, moi, un peu bizarre. Hein. Ah ouais? Même les jaunes et rouges, comme ça, un peu des flammes. Mais justement, tu vois, de dos, quand je les voyais de dos, là, pour le coup, et je pense que c'est le fait, comme Nike recherchait Adidas, c'est vraiment le côté vintage. Alors, je sais pas s'ils se sont mis d'accord ou s'il y a un truc, je sais pas. Mais justement, ces couleurs un petit peu noir, rouge, jaune, bon, les couleurs du drapeau de l'Allemagne, et justement de dos comme ça, même sur les manches du maillot, du coup, ça fait très effet années 70-80. Et je trouve ça sympa de voir un match comme ça où tu as l'impression que ouais, ça fait un peu match années 70-80 entre à l'époque la RFA ou RDA, mais plus RFA et la France. Et je trouve ça sympa et ça changeait. En même temps, ça change. Ah, ça change, c'est sûr, c'est original. C'est pas le short noir classique de l'Allemagne où ils sortent le même quasiment chaque année. Il y a le drapeau dessus. Moi, je trouve ça sympa, ça change. Voilà. Enfin, après, libre à chacun pour ses goûts, mais moi, je trouve ça sympa. Bon, sinon, revenons quand même sur le match. Ouais, revenons au match, ouais. Hormis ce but, bon, ce deuxième but aussi après. Peu d'occasions françaises, il y a bien Mbappé qui a tenté un petit peu, mais ouais, ça n'a pas été. Il y a eu 10-20 bonnes minutes, on va dire, entre la fin de première, on va dire entre la 20e et la 35e, allez, 40e si on peut pousser, mais où la France a eu quelques occasions, où Mbappé a essayé de faire un peu de différence, où Dembélé aussi a fait un peu de différence. Dembélé, il a fait un peu de mal à Mittelstadt côté droit pour nous, côté gauche pour eux, mais après Dembélé, on le connaît, c'est à chaque fois c'est dans le dernier geste qui pêche, c'est dans tout ça. Après Mbappé a été beaucoup esselé aussi, on sentait qu'il manquait un appui, un Griezmann du coup, hein, forcément. J'ai le souvenir d'une action vers la 15-20e où Mbappé, il a donc un ballon côté gauche et où il se retrouve à faire un 1-4. Mbappé, c'était le meilleur joueur du monde. Oui, Mbappé, il sait faire des différences, mais à un moment, 1-4. Ça passe plus. C'est pas des peintres en face, hein. C'est quand même l'équipe d'Allemagne, même s'ils sont pas trop bien depuis quelques temps. C'est des joueurs allemands avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Donc voilà. Mais vraiment, Griezmann, il a manqué énormément. Et puis, je voulais aussi parler de Thuram. C'était très très très très compliqué. Ouais, hein. Complètement, je suis d'accord. Ouais. Alors moi personnellement je suis pas un grand fan de Thuram. Après j'essaie de lui reconnaître pas de souci. Hein. Il fait une grosse saison avec l'Inter, il marque beaucoup. Pas de souci. Mais encore une fois, on l'a déjà dit ici, à l'Inter il joue avec Lautaro à côté. Ouais. Il joue dans une attaque à deux. C'est pas le pur neuf comme Giroud du coup. C'est pas le pur neuf comme Haaland, c'est pas le pur neuf. Voilà, c'est un mec, il lui faut quelqu'un à côté de lui. Voilà, à l'Inter, on voit beaucoup Lautaro, alors pas faire le pivot, mais faire le mec voilà qui va chercher la passe, qui recule un peu, qui va chercher la passe et qui lance Thuram. Alors que là, Thuram, il se retrouve un peu tout seul, du coup. Parce que t'as, voilà, sur les côtés, il y a Mbappé, Dembélé qui bougent beaucoup. Et Thuram, il se retrouve tout seul en pointe. Mais du coup, il n'a pas cette percussion, il va pas non plus chercher le ballon de lui-même, il va vraiment rester en neuf. Mais du coup, ce qui fait qu'il est assez fantomatique. Et parfois, surtout, il est encore très maladroit, parfois. On l'a vu, hein, sur quelques frappes, bon, il pourrait faire mieux. Et même le match retour Atlético-Inter, il a été maladroit de 2 à 3 reprises, quoi. Voilà, c'est Thuram. Après, forcément, c'est le futur de l'équipe de France. C'est avec lui qu'il faut voir le futur, hein, évidemment. Giroud, il a déjà 37 ans. Mais c'est potentiellement Giroud qui va être plus titulaire à l'Euro que Thuram. En tout cas, selon moi, je préférerais, vu ce qu'on a vu hier. Mais Thuram, voilà, c'est avec lui qu'on est censé voir nos prochaines années. La Coupe du Monde 2026, à part s'il y a un œuf qui explose en France, d'ici là, mais bon. Ouais, je suis mais normalement, c'est on sait jamais. Mbappé, là, bon, c'est pas un œuf, mais il a percé d'un coup, tu vois. Tu reprends l'Euro 2016, on se disait jamais qu'en 2018 on aurait un crack comme ça, tu vois. C'est vrai. Tout ça, ça s'est passé en 2016-2017, tu vois. Donc après, on sait jamais. Voilà. Mais bon, c'est censé être Thuram, notre futur neuf. Voire même, c'était censé être celui-là, l'Euro, où, qu'on devait faire jouer. Giroud, ouais, ok, il serait là. Mais Giroud, il serait plus là pour, je sais pas, finir les fins de match, débloquer des situations. Mais là, au final, on se rend compte que... Ça va être plus le titulaire, bon, ouais. Ça va être plus le titulaire et à juste titre, en fait. Oui, il n'y a pas photo, là. Il n'y a pas photo. On a besoin d'un Giroud pour faire, du coup, le rôle de pivot, comme il fait au Milan AC, pour, voilà, faire le rôle de pivot, puis pour être là, à la finition, dans la surface, que ce soit surtout de la tête ou même du pied. Mais bon, on a plus besoin de Giroud dans ce format-là, dans cette tactique-là, dans cette formation-là, que Thuram. Thuram, il a vraiment besoin d'un autre attaquant à côté de lui. Et alors peut-être qu'il peut s'améliorer d'ici là, peut-être pas d'ici l'Euro, mais là, comme ça, Thuram, ça marchera pas. Avec un Mbappé, Dembélé, qui sont, voilà, on va dire des créatifs, des créateurs, et pourtant ce qui manque beaucoup à l'équipe de France, notamment au milieu de terrain, contrairement à l'Allemagne, qui a Moussiala, qui a Florian Wirt, eux, ils ont des créateurs, et c'est pour ça qu'ils ont marqué aussi vite. C'est des Kroos. C'est un créateur, Kroos aussi. C'est un distributeur, mais c'est un créateur aussi, Kroos. Moussiala, c'en est un aussi, de par sa vivacité, sa technique, sa vitesse. Wirt, de par sa technique, son talent balle au pied, etc. Kroos, pareil, donc je l'ai dit par sa distribution, c'est pas incroyable. Et chez nous, à part Mbappé, créatif au niveau de technique, et Griezmann, au niveau Vista, vision du jeu, donc puis niveau de passe. Mais quand t'as pas Griezmann au milieu de terrain... Ça se voit tout de suite. Tu le vois. T'as pas de créatif en équipe de France. En termes de, encore une fois, de vision du jeu. T'as Mbappé, techniquement. Tu peux placer Dembélé, mais bon, Dembélé, on va dire, c'est un créatif, mais voilà, il a pas la palette suffisante pour. Mais quand t'as pas Griezmann, ça se voit, et c'est criant. Mais aussi bien offensivement que défensivement, enfin, partout, hein. Bien sûr. Et ce qui nous manque, le terrain, c'est un vrai créatif, j'ai dit, comme Moussiala, comme Dier. On a des très grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Tchouaméni, Kamavinga, Rabiot, même Zaïre Emery, du coup, qui joue au PSG et qui s'est imposé depuis quelques temps maintenant. Mais c'est pas des créateurs, c'est pas des créatifs. Voilà. T'as pas ce mec qui va te changer, qui va te trouver la passe de fou. T'as pas ce mec qui va dribbler 2-3 joueurs et qui va te... Non, t'as pas ça en France. Et il y en a ce problème là aussi au niveau des... Surtout au niveau de là, au niveau des latéraux. Là, Koundé et même Lucas Hernandez, c'était pas bon du tout, quoi. Surtout Koundé, il voulait faire un match catastrophique. Ouais. Mais Hernandez de Lucas, Lucas, je préférerais le voir en défense centrale et mettre son frère. Bon, son frère ne pouvait pas jouer, mais je préférerais voir Théo Hernandez en arrière-gauche, qui lui dédoublerait plus sur l'aile gauche, et qui pourrait apporter de l'aide et des solutions à Mbappé, qui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, s'est retrouvé plusieurs fois seul, à essayer de trouver des solutions tout seul, Mbappé. Alors que si t'avais un Hernandez qui aurait un peu plus dédoublé dans son dos, ça aurait pu créer d'autres offensives et d'autres solutions. Et ouais, Lucas Hernandez, je le verrais plus, il l'a déjà dit, hein, il préfère quand même jouer dans l'axe, Hernandez, de la défense. Et je le mettrais presque à la place d'un... c'est dur à dire, hein, ou Upamecano ou Pavard, mais... pour moi, c'est pas deux grands défenseurs centraux, hein, Pavard ou Upamecano, c'est assez compliqué. Upamecano, on l'a déjà vu faire plusieurs boulettes cette saison, la saison dernière. Alors, c'est pas un mauvais défenseur, il n'y a pas de souci, mais voilà, je préfère voir Hernandez à la place d'un Upamecano, par exemple. Et même Pavard, je le laisserais presque en défense centrale. Mais à gauche, moi, il me faut un Hernandez, un Théo Hernandez, qui plus de doublé aussi avec Mbappé. Et un Lucas qui serait beaucoup plus solide, je pense, en défense centrale. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à régler. Bon, Deschamps, enfin, on va voir ce qu'il va faire demain. J'ai cru voir qu'il y aurait quand même, on va sûrement en parler tout à l'heure, mais qu'il y aurait au moins 9 changements au niveau des titulaires par rapport au match contre l'Allemagne. Donc j'ai hâte de voir aussi ces changements-là, bon, sachant qu'il y aura Kolo Muani qui sera titulaire, logiquement. Oui, bon. Normalement, oui. Bon, je pense pas qu'on puisse se reposer sur lui, mais au contraire. Mais je pense que ça ira mieux demain. Bon, ce sera déjà pas le même adversaire, mais je pense que l'équipe qui sera mieux demain, avec notamment le retour de Maignan aussi dans les buts, même si Samba a fait un très bon match, hein, y a pas de souci. Les deux buts, il peut pas faire grand chose, hein, Samba, de toute manière. Et au contraire, il nous a sauvé plusieurs fois la mise. Sinon, on aurait peut-être pris plus cher. Mais voilà, on verra bien. Mais bon, ce match, voilà, contre l'Allemagne, c'est un petit peu anecdotique aussi. Certes, ça se prépare pour l'Euro, mais en même temps, je pense que la plupart des joueurs, à tort ou à raison, on va dire plus à tort, mais je pense qu'ils se réservent aussi un peu pour leur fin de saison, la plupart. Il y a des grosses échéances à venir, oui. Ben voilà, c'est ça, avec des champions, les championnats, voilà. Même si ça reste un match de préparation à l'Euro, même si ça reste l'Allemagne en face, je pense que certains n'ont pas joué à 100%. Encore une fois, à tort ou à raison. Mais bon, dans une époque où les calendriers sont de plus en plus chargés, je sais pas si on peut leur en vouloir non plus. Mais je sais pas toi ce que t'en penses. C'est dommage que c'est l'Allemagne, enfin c'était un gros match, c'est une belle affiche quoi. Surtout bien sûr. En plus, on le sait, cette année, cette saison, c'est beaucoup des matchs en région parce qu'il y a, l'Est de France n'est pas disponible. Donc, c'est sympa aussi d'aller jouer dans ces régions-là et dans ces stades. Et c'est pour des spectateurs qui n'ont pas trop l'habitude de voir des matchs d'équipe de France. Donc, c'est dommage de ne pas avoir joué le jeu, surtout pour ces supporters qui n'ont pas trop de matchs des Bleus chez eux, quoi. Mais est-ce que tu penses que les joueurs, ils en ont quelque chose à faire de jouer? Mais non, je sais bien. Mais c'est dommage. Bah ouais. C'est dommage de pas y penser. Bah ouais, mais bon, après, oui, mais bon, on sait que voilà. Les Allemands aussi ont beaucoup d'échéances. Ils ont ça les a pas empêchés de jouer, de jouer le jeu. Hein. Tu vois, la plupart des joueurs sont encore qualifiés en Coupe d'Europe. Ouais, c'est sûr. Mais l'inverse de la France et l'Allemagne. C'est que l'Allemagne déjà va mal depuis un an, deux ans. Au moins, en tout cas, depuis au moins, j'allais dire la Coupe du Monde 2022, mais même avant. Mais. On sait qu'ils n'ont pas de certitude à 100%. La France, nous, depuis la Coupe du Monde 2022, on va dire, ouais, 2022, on a quasiment 95% à chaque fois de l'effectif, enfin de la liste. Enfin, on sait qu'ils seront là. C'est-à-dire, là, pour la liste de l'Euro, on va dire qu'on connaît 95% de ceux qui seront là, sûrs. Connaissant Deschamps, connaissant la manière dont on joue, on sait 95% des joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a. Peut-être qu'ils ne se forcent pas non plus à prouver parce qu'ils savent qu'ils seront là dans deux mois. Tu vois, dans deux mois, il y aura le retour de Griezmann et potentiellement de Coman. Ouais. Parce que Coman est encore blessé. Donc voilà, à la limite, ce sera peut-être les deux changements, les deux joueurs qui seront de retour. Mais au-delà de ça, des Kamavinga, des Tchouaméni qui sont ce très bons. Là, ouais. Je ne dis pas le contraire, mais en même temps, ce n'est pas des mecs qui ont prouvé à 100% leur efficacité, leur talent, c'est des très bons joueurs encore une fois, mais c'est pas des mecs qu'on trouvait comme des Mbappé très tôt, comme des bon peu importe, tu vois. Mais ces mecs-là, ils sont sûrs d'être là, ils le savent. Oui. Ils savent très bien qu'ils seront là. Oui, c'est assuré. Donc en même temps, ils ont des grosses échéances avec le Real Madrid. Alors certes, c'est l'Allemagne qu'ils ont joué, mais en même temps, ils savent qu'ils seront là à l'Euro. Bon, voilà, c'est l'Allemagne, c'est match amical. Bon, voilà, je pense pas qu'ils étaient à fond. Et d'ailleurs, quand tu vois le match de Tchouaméni qui a pas été bon, tu sens qu'il était pas à 100% non plus. Enfin, qu'il était pas donné à 100% non plus. Donc, toi, tu penses qu'il aurait fallu mettre des joueurs qui avaient des choses à prouver, pour être pris, tu veux dire? Non, j'ai pas dit ça. Moi, je te raconte ça par rapport à Deschamps. Deschamps, on sait que déjà, lui, par rapport à sa vision du jeu, on sait qu'il changera pas. Il va pas changer de vision de jeu. C'est-à-dire, là, on prend le but très tôt. On prend le deuxième très tôt en début de seconde période. Et on reste en bloc bas. On tente rien en attaque. Enfin, on tente rien de fou. On reste en bloc bas ou en bloc médian. On tente rien. Alors que cette défense allemande, honnêtement, ça se voyait, les quelques percées qu'on a pu avoir, et ça se voyait qu'on pouvait l'éteindre, en vrai. Ou au moins marquer un ou deux buts. On pouvait faire match nul. Si on avait décidé de jouer plus offensivement, de jouer plus les coups. Au final, on est resté en bloc bas, en bloc médian, comme Deschamps sait le faire. Alors, je dis pas Deschamps, moi j'adore Deschamps, j'adore. Il n'y a rien à dire. Quart de finale 2014, finale 2016, champion du monde 2018, Oui, il y a eu l'Euro 2021 où on a pêché. Finale 2022, bon, voilà, enfin, il n'y a rien à dire sur Deschamps, en vrai. Mais je trouve qu'il reste trop buté dans sa vision du jeu, dans ce qu'il veut. Et des fois, par rapport aux joueurs, par rapport aux équipes adverses, par rapport à plein de choses, mais il faut faire des choix, il faut faire du changement, des fois. Et là, on l'a vu. Rester bloc bas, comme ça, quand tu perds 1-0, 2-0 contre une Allemagne comme ça, qui est motivée, ben, tente autre chose. Et puis, c'est des matchs amicaux aussi, tente autre chose. Essaye de jouer plus offensif. Là, on l'a pas vu. Et alors, je dis pas, du coup, que c'est à cause de Deschamps que les joueurs sont pas mis à 100%. Je dis pas qu'on a perdu parce que les joueurs étaient forcément pas à 100%. J'étais pas... Non. Et je dis pas qu'il fallait aller chercher des joueurs plus, je sais pas moi, fallait pas aller chercher un Martin Terrier ou un Pierre Lespelou, j'en sais rien, je dis ça comme ça, parce que c'est des joueurs qui ont jamais joué en équipe de France et qui auraient la soif, la faim de gagner leur place et tu vois, de faire un match de fou. C'est sûr que non. Parce que des Tchouaméni, ça reste plus talentueux, ça reste plus serein et voilà. Mais je pense qu'il y avait autre chose à faire et que je pense que le message qu'a renvoyé Deschamps, mine de rien, notamment à la mi-temps, je pense que c'était pas non plus le bon pour faire réagir les joueurs en seconde période. Ouais, enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. En mi-temps, chez Espoir, hein, à l'instant. Ouais. Avec Médan 0, après but de Kelly Mendo sur penalty. Et puis, mi-temps aussi, ça va pas tarder à reprendre en national, New York Médan 0. À Versailles, donc, 45e minute, le but. Et puis, Caroline Garcia a remporté le premier set 6-3, mais elle est menée. Elle est 4-0 dans le deuxième set, donc, ça s'inverse complètement pour elle. Bah voilà donc pour ce bilan des bleus. Bah toi après je sais pas Rémi toi parce que du coup je parle beaucoup mais du coup toi qu'est-ce que t'en penses un petit peu de tout ça de la non réaction un petit peu française quand même avec ces buts là. Bah oui il y a peut-être une gestion peut-être de pour certains joueurs de se dire bah ouais il y a des choses qui arrivent pas très vite en fait avec les clubs dans c'est la semaine prochaine. Hein. Enfin, j'exagère, c'est la semaine dans 15 jours, mais il y a encore un match demain, donc oui, oui, c'est ça, c'est que, ils ont peut-être pensé, certains, à pas se blesser, c'est vrai que quand tu prends. Mais est-ce que tu penses pas que la vision de Deschamps, la vision tactique de Deschamps, ça joue pas aussi dans l'impact des joueurs? Enfin, dans l'impact caractériel, moral, enfin, je pas moral, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Dans l'envie. Peut-être pas mieux placé pour le dire, mais peut-être que ça, dans inconsciemment, ça joue. Mais oui, on le sait, Deschamps, il est comme ça, hein, il a son plan de jeu et quand ça marche, c'est très bien, tant mieux et ça donne les succès qu'on a vu. Mais parfois et c'est ce qui se passe régulièrement quand on perd les matchs et c'est vrai que peut-être Deschamps il a pas cette faculté à changer ses plans et ouais. Peut-être tu te rappelles on avait joué déjà l'Allemagne en septembre dernier on avait perdu 2-1 déjà hein. Oui. C'était un peu pourtant Griezmann était là il avait même marqué mais c'était un peu un peu pareil et voilà et donc ça c'est souvent le cas dans les défaites des Bleus hein. c'est rare on perd rarement c'est soit des matchs comme ça où on est complètement à côté mais c'est rare où c'est très très serré on perd généralement quand c'est très serré on arrive à gagner des matchs mais c'est souvent les défaites comme ça depuis je parle de sur les dernières années hein, depuis le on va dire post Coupe du Monde, hein, quand on perd des matchs, c'est des matchs où on joue pas, quoi. Enfin, on n'a pas envie de jouer, ou on a l'impression qu'on n'a pas envie de jouer. Des mecs un peu amorphes, quoi. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage de pas avoir de répondant. Que tu peux perdre, en ayant joué. Tu vois, j'aurais préféré même perdre. Bah, c'est pas, on perd 3-0, mais on aurait de proposer autre chose et d'essayer d'aller marquer, quoi. On n'a pas l'impression qu'on a, enfin, on a, en tout cas, j'ai pas eu l'impression que ça donnait ça à la réaction des joueurs. Après, il y a eu quelques entrées qui ont fait du bien, des Clouse, des Giroud quand même, ça fait du bien, même Théo Hernandez, tout ça. Mais, c'est vrai qu'on a quand même Deschamps, je pense qu'il sait que, à chaque fois sur le banc, il a toujours de quoi faire réagir l'équipe. Je repense à plein de choses, la finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. On s'est bouffé pendant 80 minutes et que les 10 dernières minutes, on bouffe l'Argentine et on revient à 2-2. Ça se passe comme ça, le huitième de finale contre la Suisse à l'Euro 2021, oui. Où on fait une première mi-temps pas catastrophique, mais loin des loin de ce qu'on sait mauvaise. Faire. Ouais, mauvaise en vrai. Et puis en deuxième mi-temps, on revient très très bien. Et bon, on s'en fait tuer un peu en fin de match. Et puis bon, on sait comment ça s'est fini, mais on a une faculté de on sait réagir. Les remplaçants savent mettre de l'impact et Deschamps, il sait quand même. Mais encore une fois, je le critique pas Deschamps. C'est un excellent coach, un excellent sélectionneur, et rien à dire. Je pense qu'il est juste un peu trop buté dans ses idées. Il n'a pas envie de trop changer. Et des fois, il faudrait. Mais il sait qu'aussi ses joueurs et tout ça, ils savent, ils ont de la réaction, ils savent quand est-ce qu'il faut réagir aussi. Bon, après, sur ce match-là, ça fait ça. C'est un match amical aussi, il faut dire ça. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas une catastrophe. Ça veut pas dire qu'on va faire un euro. Ça veut pas dire qu'on va faire un mauvais euro, au contraire, on a déjà vu plein de fois. Oui, des mauvaises préparations et. Les compétitions internationales, les tournois, ça n'a rien à voir dans l'état d'esprit déjà. Ça n'a rien à voir. De toute façon, je crois que on avait perdu contre la Colombie, je crois, avant la Coupe du Monde 2018, un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Hein. Oui, je me rappelle. C'est ça. 3-2. Ouais, 3-2, c'est ça. On n'est pas étincelant non plus. Ah, puis voilà, Coupe du Monde 2018, même en poule, on n'est pas étincelant. Et puis après, le tournoi commence vraiment, on va dire, avec la phase d'élimination directe. C'est ça. Et puis on torpille un peu tout le monde, quoi, tu vois. Donc les tournois, on le sait, c'est des ambiances différentes, c'est des états d'esprit différents, c'est de l'envie différente. On le sait aussi, ça veut rien dire. Mais je pense qu'on a quand même remis un petit peu l'Allemagne sur un bon bout. C'était ça aussi. En septembre, ils avaient. Il restait sur une mauvaise période, vous avez perdu plusieurs matchs. Et là, pareil, il restait sur deux défaites. Hein. Bon, c'était en novembre, c'était pas peut-être. C'est déjà longtemps maintenant. Non, mais quand même, ils ont fait une année 2023 extrêmement moyenne en Allemagne. Oui, ils ont perdu face à la Turquie, face à l'Autriche en novembre. Et là, on les relance peut-être un peu. Ils joueront face à les Pays-Bas demain. Donc c'est encore un bon test pour eux. Les Pays-Bas qui ont gagné 4-0 contre l'Écosse, on va peut-être le dire vite fait juste après, mais le Pays-Bas va torcher l'Écosse, mais l'Allemagne, je pense qu'on les a mis un petit peu sur le bon bout, surtout qu'on sait, l'Euro c'est chez eux. En plus, je pense qu'ils vont aborder le tournoi de façon conquérante. Et mine de rien, l'Allemagne a beau ne pas aller très bien depuis quelques mois, quelques années presque, la mentalité allemande, on la connaît. Donc on les a sûrement remis un petit peu sur des bons rails, on leur a donné peut-être un peu de confiance, même beaucoup de confiance sur ce match-là. Et c'est vis-à-vis de eux, c'est une bonne augure pour eux pour cette compétition. Vis-à-vis de nous, c'est pas ce match-là qui va nous décrédibiliser, déstabiliser. Je dis pas ça, au contraire. Encore une fois, c'est un match amical, Mais l'Allemagne, je pense qu'ils sont partis sur un bon bout et j'ai hâte de voir. C'est demain, du coup, qu'ils jouent contre les Pays-Bas, c'est ça, demain? Demain, oui. Demain soir, en même temps que... Que nous, exactement. Donc j'ai hâte de voir autant la perf de la France, j'ai hâte de voir, mais aussi la prestation des Allemands, j'ai hâte de voir aussi comment ils vont réagir après cette victoire importante pour eux, donc j'ai hâte de voir ça aussi. Avant de parler des autres matchs, aussi les espoirs qui ont gagné 3-2 en préparation, c'était face à la Côte d'Ivoire. C'était vendredi soir, ça a été compliqué pour les Bleus qui ont mené 1-0 et qui après se sont fait reprendre en début de deuxième période et qui étaient menés très vite 2-1. Et puis ils ont réussi à revenir et puis même à repasser devant. Ils se sont fait bousculer, mais ça passe pour eux. Petite aussi mauvaise nouvelle pour Barco là qui est blessé. Ouais. Qui va louper les Classico dimanche. Le match d'après, je sais plus c'est contre qui. Et potentiellement, on ne sait pas selon, mais le premier match, le match aller contre le Barça aussi, peut-être. Possiblement. Donc pour Paris, c'est pas une bonne nouvelle. Je sais pas de quoi il est. Il souffre, mais il pourrait manquer plusieurs rencontres. En tout cas, les Bleus, les Bleus, qui s'imposent. Et donc pour l'instant, qui mène 1-0. Voilà, c'est la dernière répétition avant les Jeux Olympiques. Et putain, d'ailleurs, on peut en parler puisqu'on y est. Le groupe des Bleus pour les JO chez les garçons. Donc on aura la Nouvelle-Zélande. Bah, on aura les États-Unis aussi. Voilà, c'est la coïncidence hein, puisque l'adversaire avait été choisi il y a assez longtemps pour les Bleus. Donc bah, ils joueront les États-Unis. Et puis il y aura donc une dernière équipe barragiste. Un vainqueur entre une équipe du continent asiatique et du continent africain. Voilà, bon, ça semble normalement à la portée de l'équipe de France, hein. Donc 24 juillet, 27 juillet, 30 juillet. Justement, là, à chaud comme ça, parce qu'ils ont fait ça, j'ai regardé l'After Foot sur RMC, donc il y a une semaine, un truc comme ça. Toi, comme ça, t'aimerais qu'il y ait qui, les trois joueurs de plus de 23 ans qui pourraient être présents au JO? Alors moi j'aime Mbappé évidemment, mais ça va être compliqué a priori parce que le Real va pas lâcher l'affaire. Tchouaméni, ça fait peur aussi d'enchaîner fin de saison, normal, hein. L'Euro, Jeux Olympiques et puis essayer de reprendre dans un nouveau club, ça serait compliqué. Hein. Les clubs espagnols, ils ont rien à taper. Hein. C'est pas chez eux. C'est quoi. Déjà ça. Et puis, est-ce que Mbappé, il pourrait pas se cramer là? Bah et oui. Voilà. Si l'Euro n'arrive à aller peut-être, enfin j'espère au bout. Tu vois, c'est le 14 juillet la finale, 24 juillet ça enchaîne. Ah oui. États-Unis, ensuite il y aura qualifié, puis la Nouvelle-Zélande. Donc ouais, Mbappé, ça va être compliqué. Tchouaméni, Camavinga, c'est pareil, donc on peut pas trop les compter. Griezmann, évidemment, mais ça reste peut-être aussi d'être compliqué. Finalement, là, d'après les dernières infos qu'on a, c'est que le Tlico va peut-être pas. Peut-être pas se laisser faire là-dessus et puis on pourrait aller pendant un temps peut-être de Varane ou de Lloris. Ouais, bon, Lloris qui est aux États-Unis, ça peut être compliqué, mais un troisième, qu'est-ce que je pourrais dire, ça pourrait être pas mal, hein. Enfin, bon, Giroud va sûrement jouer l'Euro, oui. Quand même, et encore une fois on l'a dit, peut-être plus titulaire que Thuram du coup, mais on sait que Giroud il pourra pas jouer 90 minutes tous les matchs de l'Euro, c'est ça. Maintenant qu'on voit au bout, il pourra pas. Enfin, ce serait un petit peu idyllique de faire ça. Donc pourquoi pas, en vrai, Giroud, ouais, Varane, Lloris. Surtout des mecs bien expérimentés. C'est vrai que Giroud veut partir, il devrait partir aux États-Unis, donc. Rejoindre Lloris, ouais. La saison elle démarre plus tard, en plus, aux États-Unis. Ouais, il me semble, ouais. Puis de toute façon, même si ça démarre en même temps, c'est pas, enfin, ce serait pas un drame de louper. Je suis pas sûr que le club, enfin, Los Angeles serait. Serait contre de le faire venir après, donc peut-être, ouais. Ou je pensais à un Gignac, tu sais, même pourquoi pas un Gignac, hein, qui était là à Tokyo, hein. Bon, ça avait été ouais. Une catastrophe, mais je suis pas certain que Gignac, à l'âge où qu'il a depuis tant d'années, qui joue entre guillemets, bon, même si ça reste que les JO, c'est pas une compétition de fou footballistiquement parlant, mais rejouer quand même une compétition internationale comme ça, alors qu'il a, je sais plus, 38 ans, qu'il joue au Mexique depuis 7 ans. Non, mais il y a 3 ans, il était venu, hein. Ouais, on a vu ce que ça a donné. Oui, hein, bon, enfin, c'est pas à cause de lui, hein, enfin. Non, mais je dis pas ça, mais c'est pas un mec qui te rajoute un truc en plus non plus, quoi, tu vois. En vrai. Après, il y a plein de noms possibles, hein. On pense à eux, mais il y en a plein, des joueurs de plus de 23 ans, ouais, même des joueurs de Ligue 1. J'allais dire des joueurs de Ligue 1. Je disais tout à l'heure, Lesmelou ou un Terrier, ça peut toujours s'appeler. Bien sûr. Près, hein. Bien sûr. Et c'est des mecs justement qui joueront pas l'Euro. Enfin, à moins a priori, surprise, non. Ouais. A priori, non. Donc justement, ce serait. Ça les cramerait pas non plus, les mecs, je pense. Enfin, ouais, ils jouent une compétition en milieu de saison, en intersaison, ils le font jamais, ça va pas les cramer non plus. Donc ouais, en vrai, tu prends un Lesmelou, un Terrier, il y en a plein, hein, mais il y en a quelques-uns, je veux dire. Ça pourrait être intéressant aussi. Hein. Donc, non, Gignac, je pense que la Jouila, non, je pense pas que ce serait personnellement, je pense pas que ce serait une très bonne idée ou Ben Yedder. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, non? Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Mais la Cazette, hein. Ouais, la casette aussi. Ça pourrait. Après, ouais, non, il y en a plein. Il y en a plein des joueurs qui auraient la possibilité d'être pris, mais ouais, ouais, bon, bah, on va voir ce qui. Enfin, ça va pas être simple. Alors, les clubs français joueront le jeu, ça c'est sûr, mais dans les autres championnats, je sais pas, ça va être peut-être compliqué. On verra. Ouais. Bah, puis ça dépend encore une fois aussi. Le groupe pour les JO, ce serait donné quand ? Ce serait donné avant la liste de l'Euro ou pas ? Je sais plus, je crois, hein, non ? Je ne sais plus. Il faut que on va regarder. Parce que j'allais dire concernant les clubs des clubs étrangers, j'allais dire que peut-être qu'ils allaient attendre déjà la liste pour l'Euro et voir ensuite s'ils pouvaient potentiellement libérer quelques joueurs pour un joueur ou deux pour les JO quoi. Parce que si par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, mais. Et si tu libères un joueur comme ça pour les JO, sachant qu'il va pas jouer l'Euro ou la Copa, ou je sais pas quoi. Bon, ok, tu le libères parce qu'il y a une compétition, quoi. C'est comme si c'était une année classique, quoi. Mais j'en sais rien. Je sais pas. C'est ça aussi qui est compliqué pour Thierry Henry, pour tout ça, c'est que là, ouais, ils font leur match pour préparer les JO, mais au final, ils savent pas quel groupe réellement ils auront, en tout cas avec. Quel joueur en plus de 23 ans ils auront, c'est ça aussi qui est compliqué quoi. Bah oui, c'est super compliqué pour préparer, hein. Ça c'est clair que c'est pour lui la préparation elle va être super difficile. Hein. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas de match d'autres matchs amicaux de toute façon. Non, je n'ai pas trouvé, mais on va regarder la liste, enfin la date pour la liste. Quand est-ce que c'est ? J'ai pas réussi à trouver, mais en tout cas, voilà, on connaît les adversaires, donc avec États-Unis qualifiés, inqualifiés et la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, normalement à la portée. Et puis pour les filles, donc là aussi, on connaît les qualifiés. On aura. Je ne les ai plus là en tête, mais on va les retrouver. Il n'y a pas États-Unis, mais il n'y a pas un autre. Il n'y a pas l'Australie. Il n'y a pas Nouvelle-Zélande aussi. Oui, si, Nouvelle-Zélande, Colombie et Canada. Voilà, okay. Voilà quand même des adversaires. Les Canadiennes, quand même, championne olympique. Ce sera peut-être assez difficile, mais sinon. On rappelle les deux premiers de qualifiés se qualifient pour la suite pour les quarts de finale et aussi les deux meilleurs troisièmes pour les filles puisque il y a que quatre groupes hein. et chez les garçons il y aura bien quatre poules donc c'est les deux premiers qui se qualifient pour la suite Colombie d'abord 25 juillet, 28 Canada et 31 la Nouvelle-Zélande pour les filles. Il y aura l'Espagne évidemment qui est qualifiée avec le Japon et le Brésil notamment dans l'autre poule. Il y a des beaux adversaires pour les Françaises. Si on peut tout de suite arriver à retrouver la date pour. Pour le dépôt de la liste, j'ai pas réussi à retrouver, mais on va essayer de retrouver. Savoir. Je vais essayer de voir. Ouais. On va enchaîner avec. Alors, les directs, c'est reparti pour Versailles Niort 1-0 toujours pour Niort. Et c'est reparti aussi chez les Espoirs, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est reparti. 48e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'équipe de France. Contre les USA, donc voilà, l'équipe de France pour l'instant a le ballon, donc voilà, tout va bien pour l'instant pour les Bleuets. Alors que Caroline Garcia a pris 6-1 dans la deuxième manche, donc un set partout, il reste donc la troisième manche pour se départager. Quelques matchs de préparation, donc on a eu d'ailleurs premier match jeudi, c'était le Portugal hein, qui a étrié la Suède 5-2. Alors il y avait quelques absences avec le Portugal notamment Ronaldo n'était pas présent pour ce premier match. Je crois il y avait d'autres absents en tout cas avec le Portugal mais voilà qui a réussi quand même à s'imposer largement 5-2. Et puis important c'est les barrages hein, des qualifs à l'Euro puisqu'on connaît les trois finales. Donc on aura qui concerne l'équipe de France. Pays de Galles-Pologne dans la finale de ce barrage. La Pologne qui a battu l'Estonie et le Pays de Galles qui a battu la Finlande. Donc on aura Pays de Galles ou Pologne du coup pour la France. Préférence, non déjà? En vrai, c'est compliqué. Je dis pas Pays de Galles, je pense quand même. Mais ouais, Pays de Galles quand même. La Pologne a quand même toujours des, voilà, des bons joueurs. Hein. Il y a toujours Lewandowski, il y a toujours des Zielinski, des Frankowski de Lens aussi. Il y a toujours des joueurs qui peuvent t'embêter quand même. Même Chesney dans les buts, ça reste un très bon gardien. Ouais, je peux toujours préférer le Pays de Galles quand même. On va dire que c'est toujours mieux. Mais attention, je sais que du Pays de Galles qui est pas trop mal non plus. Hein. Je pense à Nico Williams, à Jordan James, à quelques joueurs en padoue aussi au milieu de terrain. Mais bon, je préfère quand même le Pays de Galles. On va dire que c'est peut-être plus prenable que la Pologne. Ouais, je pense aussi, ouais. En tout cas, ce sera demain le match. Hein. Demain soir, 45 pour savoir qui se qualifie. On aura donc Ukraine, Islande aussi, donc pour un autre qualifié dans la voie B, et on aura Géorgie, Grèce dans la voie C. Donc on aura donc trois qualifiés supplémentaires pour arriver à nos 24 qualifiés. Donc de ces barrages. Ça c'était donc jeudi, vendredi. On avait la défaite de l'Espagne qui a perdu face à la Colombie. Magnifique but. Hein. Je sais ouais. pas si tu l'as vu. Si, ouais, le but de Munoz. Donc voilà. Ouais, exactement. Il y avait donc Rodriguez notamment qui était présent côté Colombie. Première victoire de leur histoire face à l'Espagne, à la Colombie. Ouais. Donc voilà, défaite de l'Espagne. Là, tu l'as dit, les Pays-Bas qui a battu l'Écosse 4-0. Voilà, donc belle victoire. Ouais, magnifique but de Reinders, hein. L'ouverture du score est magnifique aussi. Et qui jouera demain, du coup, l'Allemagne. Ensuite, on a eu quelques autres matchs samedi. On a le Brésil notamment qui a battu l'Angleterre 1-0. Et d'ailleurs, ça a beaucoup fait parler en Angleterre, qui s'affole depuis quelques temps, parce que là, les Anglais sont plutôt pour présenter une plutôt belle équipe. Et ça les a un petit peu calmés. Et voilà, on commence à dire qu'il faut pas s'enflammer du côté de la presse anglaise. Donc voilà, c'est ce seul but du Brésil, Hendrix, à la 80e. Donc voilà, ça fait 1-0 pour le Brésil. Voilà, donc notamment Neymar qui est blessé. Hein. Je crois, il avait pété retenu hein, par. Neymar, il avait été gravement blessé, on va dire. Il y avait une grosse blessure en début de saison avec Al Hilal. Là, je crois, il a repris l'entraînement il y a pas longtemps. D'accord. Deux semaines, il me semble, si je me trompe pas. Donc là, non, c'est sûr qu'il est pas à 100%. Donc forcément, il a pas pu être retenu avec le Brésil. Je crois qu'il a même pas repris encore la compétition officiellement avec Al Hilal en Arabie Saoudite. Mais je sais plus ce qu'il a eu comme blessure, mais c'était relâché. C'était pas la cheville, je crois, ou le genou. Je sais plus, mais en octobre ou septembre, je sais plus, un truc comme ça, il s'est blessé d'un coup. Et voilà, donc Neymar, forcément, qui pouvait pas être présent pour ce match-là. Mais ouais, donc Hendrik, c'est bon, qui a marqué. Hendrik qui rejoint le Real cet été, du coup. Oui, c'est ça. Parce qu'Hendrik, il a été acheté il y a un an ou deux ans. Il était resté donc en prêt, on va dire, dans son équipe. Je sais plus c'est qui, c'est Sao Paulo. Non, je sais plus c'est quelle équipe. Santos. Non, je sais plus c'est quelle équipe. Ah là, je peux pas t'aider là. Là, je l'ai pas. Là. J'ai un trou. Voilà. Et non, normalement, il devrait rejoindre le Real du coup officiellement cet été, il me semble. Et donc Hendrik pour sa première sélection, qui donc marque face à l'Angleterre au London Stadium en plus. Donc voilà, l'Angleterre qui a eu des opportunités, notamment en première période, qui a toujours une très belle équipe. Hein, l'Angleterre, ça reste l'un des favoris pour l'Euro. Mais voilà, le Brésil qui a été plus plus concret, on va dire, dans le dernier geste. Et voilà, qui mérite aussi sa victoire. Mais c'était un bon petit match, même s'il y a eu 15-0. C'était un bon petit match entre l'Angleterre et le Brésil. On a regardé un petit bout, enfin un bon bout. Et non, c'était quand même un beau match entre deux belles nations. Bah donc 1-0 pour le Brésil. Il y avait aussi l'Argentine qui a gagné 3-0 face à Salvador. Voilà, donc c'était samedi aussi dernier. On a eu, après c'est Irlande, Belgique 0-0, Danemark, Suisse 0-0, il n'y a pas eu des gros matchs, notamment sur ce samedi. Ensuite c'était hier, on a eu la victoire de l'Italie qui a été battre l'Équateur 2-0. Voilà, avec Pellegrini et Barella, donc ça fait une victoire face à l'Équateur. Ils avaient déjà gagné, ils avaient déjà joué en semaine, la semaine d'avant, hein, l'Italie. Ils avaient joué, c'était Venezuela, non, je crois. Ils avaient gagné Venezuela, 2-1. 2-1, ouais. Mais c'est encore une victoire, certes, mais sans briller, sans être flamboyant. Pas grand chose à dire sur cette Italie-là. Il y a toujours des incertitudes. On ne sait pas trop ce que ça va valoir au final. Parce que même sur le papier, on se dit il y a des joueurs, il y a des bons joueurs. Jorginho qui revient très bien d'ailleurs, hein, pour leur dire. Jorginho qui a été très bon quand même. Mais l'Italie, on va dire dans les grosses nations de cet Euro 2024, c'est l'Italie quand même qui est assez. Je ferais pas trop quoi parier dessus. Honnêtement, ça peut être capable de belles surprises comme de matchs un petit peu fantomatiques, comme on a un petit peu l'habitude depuis plusieurs années, voire 10 ans maintenant presque, où l'Italie c'est pas flamboyant non plus. C'est une victoire qu'on peut garder, mais c'est pas non plus le retour de la grande Italie. C'est un match assez terne quand même pour eux, même s'ils ont marqué encore une fois ces buts-là, hein, à la 3e minute par Pellegrini et à la 90+4 par Barella, tu l'as dit. Mais ça reste assez. Ouais, ça reste certain pour l'Italie. Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner pour cet Euro. Champion d'Europe, on l'appelle. Hein. Ouais, en titre quand même, titre, c'est sûr. Mais ouais. Depuis 10 ans, quasiment, en vrai, on les a pas vus à la Coupe du Monde 2018-2022. Il y a eu cette petite exception en 2021 où ils ont été jusqu'au bout. Ils ont pas fait une grande compétition en 21, mais ils ont mérité leur titre. C'est une équipe, c'est ça, c'est incertain. Ils sont capables du meilleur comme du pire et en même temps, tu sais pas trop à quoi t'attendre avec cette équipe-là. Donc 2-0 l'Italie, c'était hier, c'était d'ailleurs le seul match, majeur en tout cas, journée. Les matchs en direct, ça bouge pas toujours, 1-0 de deux côtés. Et puis donc les matchs qui arriveront demain, on l'a dit, France-Chili, ce sera à 21h. D'ailleurs on aura normalement Mike Maignan qui fera son retour dans le but, Klaus, Saliba et Camavinga qui seront normalement titulaires pour ce match de demain. Voilà. Bon, ça semble assez logique de vouloir un peu faire tourner. C'est ça. Et puis normalement, Mbappé, Giroud, Colomoigny en attaque. Oui. Milieu de terrain, Tchouaméni, Kamavinga et puis Fofana aussi. Ouais, c'est ça. Ou Guendouzi peut-être, ouais. Ouais, ou Guendouzi, mais de ce que j'ai vu là dernièrement, ce serait peut-être plus Fofana. Après, oui, ça pourrait être Guendouzi aussi. Mais voilà. Donc, en tout cas, 8-9 changements quand même. Dans la composée titulaire par rapport à l'Allemagne. C'est ça. Donc il y aura ce match-là, il y aura Angleterre-Belgique, comme on le disait tout à l'heure, ça c'est une belle affiche. Aussi, donc à 20h45, il y aura Allemagne. Il n'y a que des belles affiches, de toute façon, demain. Oui, il y aura Allemagne-Pays-Bas, on l'a dit, et Espagne-Brésil. Ouais. Ça sera un peu plus tard, ce sera à 21h30. Et il y aura donc ces trois finales de barrage, Pays de Galles-Pologne, Ukraine-Islande, Géorgie-Grèce, pour connaître le tableau final de l'Euro. Et après il y aura aussi il y a pas d'autres matchs, je regarde dans la semaine. Non, ça s'arrête demain. Ouais. Après un retour au club et vendredi retour de la Ligue 1. Il y avait les espoirs, il y avait aussi les U20 qui jouaient face à l'Allemagne justement. Ah, j'ai pas suivi. C'était vendredi, donc il y a eu cette défaite 2-0 des A, il y a eu une défaite 3-1 des U20 aussi face à l'Allemagne. Ouais. Et aujourd'hui, il y avait un nouveau match face à l'Allemagne, 4 partout, gros spectacle puisqu'il y a eu 8 buts. La France menait 3-1 et menait 3-0 même et finalement qui a été rejoint jusque dans les dernières secondes, 4-4. Et il y a eu pour la petite histoire des tirs au but qui ont été remportés par l'équipe de France. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de spectacles dans cette rencontre. Et il y a quand même des joueurs qu'on connaît dans cette équipe U20 ou pas? Enfin, peut-être en Ligue 1, il y a des joueurs qu'on connaît quand même ou pas spécialement? Nicole, c'est... je peux te répondre, oui. T'as pas la compo? Non, j'ai pas la compo. C'est juste un petit article, mais il n'y a pas la compo. Mais en tout cas, je peux t'en parler. Hein. Rapidement, on a Ethan Diop. Ouais. Non, tu connais pas? Dis-moi en plus. tu connais pas non plus, en fait. Non, je connais pas beaucoup de joueurs, non. Je les connais pas, mais c'est probablement des bons joueurs. Hein. Ah bah, s'ils sont là, c'est pas pour rien, c'est sûr. Voilà. Alors, est-ce que tu as réussi à trouver la date? Non, justement, j'ai cherché un peu partout. Enfin, le peu que j'ai pu, mais non, j'ai pas trouvé la date pour les JO, la liste des JO. Bon, bah, écoute, tant pis. Mais il me semblait que c'était peut-être un petit peu avant la liste de l'Euro. Peut-être je dis une bêtise, hein, je m'avance pas trop, mais il me semblait que c'était quand même avant. Mais bon, j'ai pas trouvé officiellement, donc voilà. Bon, bah écoute, alors, l'info c'est qu'il y aura par contre 18 joueurs et plus 23. Donc dans cette dans cette liste et donc il y aura aussi du coup les matchs qui commenceront avant la cérémonie d'ouverture. Et toujours le foot qui démarre avant parce que bah il faut pouvoir enchaîner les matchs tous les 3 jours donc du coup, il y aura des matchs avant la cérémonie d'ouverture, mais sinon voilà les 18 sont choisis. Bon, on essaiera de retrouver la date, mais j'ai impossible de la trouver, mais on essaiera de la retrouver. Sinon, bah ça a pas bougé dans les deux matchs en direct. Hein, toujours 1-0. Tu me confirmes pour les espoirs. C'est ça, 1-0, 61e minute de jeu. Pas trop d'occasions de part et d'autre, ça se joue un peu plus au milieu de terrain, c'est un petit peu haché, il y a des fautes par-ci par-là, donc voilà, mais toujours 1-0 pour les Bleus. Et puis 1-0 pour New York face à Versailles, 63e minute de jeu, donc dans cette 26e journée nationale. Et puis le tennis, Caroline Garcia, décidément c'est un match où il se passe beaucoup de choses, parce qu'elle mène 3-0 désormais la Française, break en poche, alors qu'elle avait été largement battue dans le deuxième set, donc elle se dirige peut-être vers une victoire en 3-7 la Française. Avant de parler du retour de la Ligue 1, un mot en national puisque ça jouait quand même pendant cette trêve en national. L'USO recevait vendredi la Lanterne Rouge Cholet qui est déjà quasiment condamnée à descendre en National 2 et qui d'ailleurs devrait même descendre en National 3 voire en R1 puisque il devrait y avoir une décision d'un judiciaire qui devrait arriver pour en tout cas annoncer cette redescente en N3 voire en R1, donc ce sera dans les prochaines semaines. En tout cas voilà, l'USO a réussi à perdre quand même contre Cholet 2-1 voilà, pour offrir seulement la deuxième victoire de Cholet de la saison avec but à la 35e, ouverture du score de Cholet, ensuite égalisation en retour des vestiaires de Orléans à 50e, et puis un nouveau but pour Cholet, 58e, et plus rien jusqu'au bout, donc match un peu terne, et qui donne cette 8e place à Orléans après cette défaite. En tête, on retrouve tout le Red Star. Niort, pour l'instant, si ça se maintient, devrait rester deuxième avec un peu plus d'avance, avec 4 points d'avance sur Martigues, 3e, et puis ensuite on a Nancy avec 40 points, mais voilà, on rappelle les deux premiers qui montent, donc une victoire de New York les mettrait à l'abri, peut-être. Et en bas, bah, c'est toujours serré aussi, hormis Cholet. Ensuite, on a Épinal, Avranches, Villefranche, Gol FC ou Marignane qui pourraient peut-être redescendre. Voilà, donc nouvelle journée, ce sera vendredi, 27e journée, samedi aussi, puis lundi prochain, Orléans se déplacera à New York pour le match de clôture de la journée, sera le 1er avril à 18h30. Voilà ce rendez-vous. Mais sinon, eh bien, retour de la Ligue 1 et aussi la Ligue 2, évidemment, ce week-end. L'occasion pour nous de pronostiquer ces matchs-là de la 27e journée. On va repartir sur ces pronostics et on va démarrer avec vendredi. Vendredi, ce sera le match attendu aussi de cette 27e journée. Il y en aura deux. Hein. Il y aura surtout ce match de dimanche soir, mais il y aura aussi ce match de vendredi soir entre Lille et Lens. Lille est 4e, Lens est 6e. Un seul point d'écart entre les deux. Hein. Ça peut vraiment être un tournant dans cette saison. Ce sera vendredi à 21h. Et je vais te laisser parler en premier parce que je ne sais pas quoi mettre encore. Bah, je sais pas trop plus que toi. Lille lance à Lille quand même. Moi, je vais mettre à Lille, moi. Ouais, j'hésitais avec ça. Tu sais quoi, je vais mettre Lille. Je mets Lille quand même, je pense. À domicile, c'est toujours un match spécial. Ouais. Évidemment, ce derby là. Ouais, je vais mettre Lille. Je sens les Lillois, ouais. Ah, Lille qui reste sur une petite série de 2 nuls. Ouais. Et Lens qui a perdu face à Nice, hein, déjà, qui a perdu face à un adversaire direct. Hein. Là, une nouvelle défaite là, et ça peut faire beaucoup pour Lille, sur Lens. Bon, on verra. C'est noté en tout cas. Samedi à 17h, on aura Metz-Monaco. Metz, donc 17e, Monaco 3e. Évidemment, si Lille s'impose, Monaco n'aura pas. Il n'y a pas le choix, mais si, ils pourront quand même perdre. Mais en tout cas, pour rester de cette troisième place, il faut absolument gagner. Moi, je vais dire Monaco, qui a déjà manqué l'autre semaine de repasser deuxième. Donc là, je les vois bien gagner. D'autant qu'ils n'ont pas beaucoup d'internationaux, très peu d'internationaux qui sont partis. Donc, je pense qu'ils peuvent gagner là. Ouais, je te suis, hein, Monaco, je pense que ça va le faire. À 21h, on aura Lyon-Reims, Lyon 10e, Reims 9e, voilà, c'est vraiment un match de milieu de tableau, deux équipes qui jouent presque plus rien, peut-être Reims qui peut encore espérer quelque chose, mais Lyon, voilà, ce qui est trop loin. Moi, je vais mettre Lyon à domicile. Ouais, moi, je tente le match nul. Allez, pourquoi pas. Reims qui nous a prouvé qu'il pouvait toujours être embêtant, notamment au Parc des Princes. Il y a quelques semaines, un petit match nul, je trouve pas ça ridicule. Allez, c'est noté. Dimanche 13h, Lorient, Brest, Lorient 15e, Brest 2e. Moi, je vais mettre Brest, hein, qui reste sur une série de deux matchs sans victoire. Donc, je pense qu'ils vont repartir de l'avant. Et ouais, je vais mettre Brest aussi, sans grande conviction, mais ouais, je tente Brest aussi. On passe à 15h maintenant, Nice-Nantes, Nice 5e, Nantes 16e, voilà, c'est vraiment ces deux matchs-là, les deux matchs des extrêmes, et moi je vais mettre Nice, voilà, qui n'a pas vraiment le choix s'ils veulent rester dans cette course-là à 6, hein, à peu près à 6 équipes, là il faut absolument gagner, donc je vais mettre Nice. Moi. Ouais, avec le... Pas simple, mais Nantes aussi, ça joue. Ça y est, on va commencer à rentrer dans les dernières journées où il y aura des gens partout. Le retour de Camboiré aussi. Ben, c'est ça. Est-ce que ça pourrait pas être un espèce de déclic, voilà. C'est quoi ? J'allais mettre Nice comme toi. Mais tu me connais, je suis joueur. Alors, je vais pas mettre Nantes non plus, mais je vais mettre nul. Ben, pourquoi pas ? Ben, écoute, ça peut arriver. Pourquoi pas ? Ensuite, on aura Clermont. Face à Toulouse, Clermont, donc dernier, Toulouse 11e. Voilà, pour Clermont, c'est pas fini, hein. Évidemment, il n'y a que 5 points de retard sur le barragiste. Et pour Toulouse, le maintien qui n'est pas un tour assuré, hein, il manque pas beaucoup. Mais. Ouais, je vais dire Toulouse, moi. Je vais mettre un nul, moi. Là, je vais pas trop quoi mettre, j'ai pas mis de nul encore, donc je vais mettre un nul. Le Havre-Montpellier, ensuite Le Havre 13e, Montpellier 14e, là, c'est vraiment un match de la peur, hein, pour les deux, ils sont vraiment pas très très loin de la zone rouge. Ça va être un match en jeu, je vais mettre Le Havre. Ouais, allez, je sais pas trop comment mettre là-dessus, mais ça peut très bien être un nul encore. Ouais, c'est vrai, et ça pourrait être Montpellier. Ça peut aussi être Montpellier. Allez. Ah, je tente Montpellier, ouais. Allez, pourquoi pas. À 17h, on aura Strasbourg-Rennes. On a Strasbourg 12e et Rennes 8e. Voilà, Rennes aussi qui a plus le choix. Hein. S'ils veulent vraiment rester dans cette course-là, il faut gagner là. Et le Havre, c'est pareil. C'est vraiment là que des matchs où il y a des enjeux partout, hein, pour toutes les équipes quasiment. Moi, je vais mettre Rennes, mais pareil, pas une grosse conviction, mais De toute façon, je le savais, hein, ce changement du championnat, enfin, de passer de 20 à 18 équipes. Oui. Ça allait, ouais. Ça resserre un peu tout, hein, donc forcément, il y a plus d'équipes qui sont un petit peu en porte-à-faux, d'un côté comme de l'autre. Donc forcément, c'est un peu des matchs à chaque fois en jeu. T'as dit Rennes, toi, je sais pas? Ouais, mais, oui. Pas sûr à 100%, mais, ouais. Encore une victoire extérieure, ça commence à faire beaucoup, mais ça peut être une journée à l'extérieur. On verra. Je vais tenter Rennes aussi quand même. Toi, t'as 5 victoires extérieures, mais et 3 nuls. T'as pas personne gagné à domicile pour toi. Sauf. Ouais, c'est vrai. Non, sauf Lille. J'ai mis Lille vendredi. Ah, t'as mis nul. Non, j'ai mis Lille. Ah, non, c'est moi qui ai mis nul, pardon. J'ai inversé. Ouais. Ouais, t'as bien fait de me le dire, j'avais inversé. Oui, après, c'est la seule victoire à domicile, sauf peut-être Marseille-Paris, dimanche à 21h, 20h45. Pour Marseille. Marseille, 7e, Paris, évidemment, leader. Je vais te laisser parler le premier. Ouais. Est-ce que ce sera la première défaite à domicile de Marseille cette saison? Ouais, mais. J'essaie d'être objectif, hein, mais. Mais dans un match comme ça, je peux pas l'être. C'est vrai que si tu perds là et que Lens arrive à gagner, Rennes arrive à gagner, Nice arrive à gagner, tu perds du terrain là. Ah, en plus. Tu peux perdre beaucoup là, sur ce match-là. Et sachant qu'encore une fois, je trouve que ce PSG-là, 2023-2024, est prenable. Pas exceptionnel. Pour moi, il est prenable. Et surtout à domicile, comme tu dis, on est invaincu à domicile depuis le début de saison. J'ai envie de tenter le 2-1. 2-1 pour l'OM. Ok. Et moi, je vais mettre 2-1 pour Paris, moi. Je vais inverser. Mais ouais, je pense pas que ce soit une grosse, grosse victoire. Mais, ouais. En tous les cas, ouais, je pense que ça va être serré. Mais, j'ai hésité avec un nul, mais je vais rester sur cette victoire parisienne. Et, ouais, ça peut être un week-end, ça peut être un tournant dans ce championnat-là, s'il y a quand même des matchs. En jeu partout, donc. Ouais, puis souvent la reprise après une trêve internationale, c'est toujours un petit peu compliqué à savoir dans quelle forme reviennent les équipes, même celles où même les équipes où il n'y a pas beaucoup d'internationaux, ouais. Comme ils ont quand même une coupure de une semaine et demie, c'est toujours un peu compliqué de savoir dans quel état de forme ils vont revenir. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à pronostiquer aussi. C'est vrai. C'est vrai que si Marseille perd et si tu Rennes et Reims qui gagnent, tu peux être 9e dimanche soir. Hein. C'est compliqué. Et tu peux voir Lyon revenir à 2 points. C'est vrai, ça peut être un sacré week-end. Hein. Tout le monde gagne et que toi tu perds, ouais, ça peut être compliqué. Mais bon, on verra. On verra ça. On arrive au bout des directs. Non, il reste encore un peu de temps dans les directs. Il reste 20 bonnes minutes. Enfin, on compte le temps additionnel, mais on va dire qu'il reste 20 minutes entre la France et les États-Unis, toujours 1-0 pour la France. 72e minute, la France qui vient de gâcher une occasion, mais globalement tout se passe bien pour les Bleuets, donc toujours 1-0, 72e minute. Ignore mène aussi 1-0 à Versailles, 74e. Caroline Garcia mène 4-1 dans le troisième set, où elle est bien partie pour s'imposer dans ce match. Le programme de cette semaine, avant de se quitter. On aura, on vient de le dire, la Ligue 1 qui va revenir avec tous ces matchs. On a aussi en Ligue 2 des matchs en National. Le rugby, ce sera la semaine prochaine. La Coupe d'Europe avec les huitièmes de finale. Donc, on ne sera pas dans la semaine prochaine. Il y aura avant une dernière journée de championnat ce week-end. Top 14 avant ce retour de la Coupe d'Europe. Donc, de 20e journée. Ce week-end, on aura donc en tennis la suite et la fin du Master de Miami cette semaine. Notez bien qu'on aura encore un Français engagé et peut-être une Française en quart de finale tout à l'heure. Caroline Garcia et Gaël Monfils aura ce soir, personne 23h, face à Carole Salcaraz pour une place en huitième de finale. On aura en basket 2 matchs cette semaine en Pro B pour Orléans. On aura d'abord un match demain, ce sera à domicile face à Saint-Chamond à 20h, et un match vendredi à Nantes pour la deuxième journée de cette semaine. Ça, ce sera pour le basket donc cette semaine, et on aura également du handball pour Saran qui va jouer la ce sera la 21e journée, 22e même, avec un déplacement. Non, la réception de Nîmes, pardon, vendredi soir, voilà, à 20h pour voilà, essayer de reprendre un petit peu d'avance sur la zone rouge. Voilà donc le programme de la semaine. Et puis demain, évidemment, France-Chili, on le disait tout à l'heure, donc deuxième match de préparation, non pas encore, mais match de amical en tout cas, pour tester un petit peu cette équipe, donc à 21h sur TF1 et puis tous les autres matchs. Et on connaîtra l'adversaire des Bleus aussi, le dernier adversaire des Bleus pour l'Euro ou le Pays de Galles ou la Pologne, ce sera à suivre à 20h45 et ce sera sur la chaîne d'équipe ce match. Donc pour savoir voilà, quel adversaire les Bleus affronteront au mois de juin prochain. Voilà ce qui nous attend. Et puis on vous laisse avec France États-Unis espoir sur la chaîne d'équipe et aussi avec Versailles Niort pour le national. Hugo, on va se quitter là-dessus. Merci à toi. On se retrouve. rien. On se retrouve lundi prochain. Peut-être en studio. Peut-être en studio, c'est possible. On verra bien. On verra. Sinon, par téléphone, évidemment. On se quitte avec ton choix, ton dernier choix. On est presque à l'heure ce soir. Je vous l'avais dit. Hein, le programme, même avec un programme plus petit, plus court, on a réussi à finir en retard. Mais on est pas mal. On est pas mal. Je te laisse avec le dernier choix du son. C'est toi qui va clôturer. Eh ben écoute, un petit Metallica. Ok. Pas violent de fou, mais un petit Enter Sandman. Ça peut être pas mal. Eh ben, on termine avec ça. Et on vous retrouve donc lundi prochain. Alors, lundi prochain, peut-être que l'émission sera avancée. Puisque vous savez, ouais. c'est le 1er avril, c'est férié, c'est le lundi de Pâques, donc peut-être qu'on avancera l'émission pour... on verra, bon, on vous tient au courant en tout cas. Donc on écoute Metallica pour finir, et elle est un petit peu un peu longue cette musique, non ? Non ? Non, d'accord, bon non alors, ok. C'est Metallica, il n'y a pas beaucoup de son en toutes 4 minutes. C'est vrai. Merci à tous, on se retrouve lundi prochain, bonne soirée à vous. Hugo, bonne soirée également, bonne semaine à bonne tous. Soirée. Et à lundi prochain, ciao ciao. Ciao ciao à tous. Just